À tous et bienvenue dans ce podcast Movies Nerd, le Movies Nerd numéro 56. Longtemps après le 55. Exactement, c'est un reboot. Tout ce que vous connaissiez du podcast Movies Nerd n'existe plus ou quasiment plus, à part les gens qui le font. donc c'est vraiment un pilote, on va tester ça. Le dernier épisode canonique du coup est sorti le 22 avril 2020, le Movies Nerd 55, donc ça fait longtemps. Donc je vais d'abord présenter les gens avec qui je vais faire ce podcast. Du coup, si moi vous me connaissez pas, puisque ça fait très longtemps qu'on n'est plus on n'a plus diffusé de podcast, je suis Axel, un des hôtes de ce podcast, mais j'ai l'honneur d'avoir avec moi deux de mes comparses du podcast Movies Nerd, en commençant par Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas? Ben ça va. Depuis ce désert, ouais. ce désert de publication. Non, mais on est toujours vivant, donc c'est bon. Ok, tout. Toujours la banane. Pas eu raison, moi, ça va. Ok, très bien. J'ai un deuxième hôte avec moi qui est Morgane. Salut. Salut, créateur de Jugez-moi coupable, dont vous avez pu entendre les trois et uniques numéros. Non mais là c'est oui. Personne s'en rappelait. On reviendra. Pour l'instant il est dans le coma. Oui. Il est à l'agonie. Et on va le sortir du coma. On va le sortir du sommeil artificiel prochainement. Voilà. Sinon ça va? Bah oui, Morgane. Ça va. Ouais. De nouveau dans ma vie. Hein. Voilà, reprise d'études. Okay. J'ai été salarié puis licencié. Donc c'est parfait. Tout va bien. Je suis un citoyen lambda. Oui, oui, très bien, parfait. Écoute, c'est nickel. Mon licenciement, coup, je te remercie. Non, j'ai les backstage et je sais que ça se passe bien actuellement pour toi, donc c'est pour ça que je me permets de te dire ça. Juste pour expliquer rapidement une envie, enfin comment dire, du coup on fait un reboot, comme je l'ai dit au début, on repart à zéro. L'envie, c'était vraiment que le format évolue. Personnellement, moi j'ai passé, c'est peut-être aussi pour ça du coup qu'il n'y a pas eu beaucoup de podcasts, parce que je me posais beaucoup de questions sur le format, comment le faire évoluer, parce que je me reconnaissais plus trop dans ce qu'on faisait, même si j'adorais le faire, hein, mais c'était juste je voulais qu'on évolue. Et du coup je vais vous présenter le sommaire juste après, et puis on verra ce que ça donne, mais je suis plutôt content de ce qu'on a pu faire, et on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer du coup avec le sommaire. Et on commencera, alors nouveauté, première nouveauté, on va commencer, la première rubrique, ce sera un petit jeu qui changera à chaque émission, que je vais présenter, et du coup Morgane et Eddy vont participer. Ça va commencer, c'est un petit jeu assez simple, mais qui devrait être... plutôt amusant, je pense. Et le premier jeu s'appelle De quoi tu parles. J'expliquerai plus tard les règles aux deux candidats, voilà, et aux auditeurs également. Ensuite, la grosse partie puisque ça va durer une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, la grosse partie du podcast, on va se concentrer sur des thèmes. Voilà, on va faire des podcasts à thème. Le thème de cette émission, ce sera le concept de surcoté. De quoi on parle quand on parle de films surcotés? Est-ce que c'est quelque chose qui est, justifiable d'appeler un film surcoté? On va parler de tout ça, de notre avis là-dessus. Et évidemment, ce que je voulais, c'était que ce soit une zone un peu libre, le thème. Donc on va partir de là, puis après, on pourra se permettre de partir sur différents sujets, différents films, même parler d'autres choses que de films. Voilà, donc c'est quelque chose qui va, enfin, j'espère, va vous plaire. Et on finira avec la seule chose qui est restée, du coup, des podcasts Movies Nerd, j'y tenais un peu, c'était les Minutes Nerd. Donc c'est un peu les recommandations, culturelle hors cinéma que chacun va présenter. Du coup, ce sera plus une seule minute nerd par émission, mais ce sera trois minutes nerd qui seront des petites minutes nerd. Donc, ce sera un peu plus raccourci et on parlera moins longtemps, mais on parlera de trois sujets différents. Voilà. Donc, si ça va pour tout le monde, on va commencer tout de suite avec la première partie. Et c'est, on va commencer avec le jeu. On est dans la première rubrique, donc le jeu. Cette émission, on va faire le jeu qui s'appelle « De quoi tu parles ?». Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Je vais vous jouer, pardon, 7 extraits différents, extraits sonores différents d'une trentaine de secondes. Il y aura un point par bonne réponse. Donc les extraits sonores sont des extraits de critiques que j'ai trouvés sur YouTube, des critiques de youtubeurs célèbres, de films. Et alors FR enfin, on va avoir du Durendal, c'est sûr. Mais je l'adore, Durendal. Ne spoilons pas tout, on va voir. Mais du coup, je me suis dit, on va mettre en place une nouvelle technologie que les Américains nous envient, qui est une activité mondiale pour ce podcast, c'est le coin-coin teaser, ça s'appelle. C'est une marque déposée. Donc, évidemment, durant les critiques, ils vont dire le nom du film, mais le coin-coin teaser met en place un système où il y a un bruit de canard à la place du titre du film ou à la place du titre du réalisateur. Donc voilà, vous allez entendre ça. Donc pour donner la réponse, il faudra. C'est un podcast sponsorisé par France Télé. Exactement. Donc pour donner la réponse, mes deux candidats, donc Morgane et Eddie, il faudra dire d'abord votre prénom, pas tout de suite dire le nom du film. Parce que, attention, je serai intransigeant et notre Tout le monde sait comment il s'appelle, c'est bon. Donc, il faut trouver le titre du film, du coup, dont il parle. Ça va du moins compliqué au plus compliqué, où il y aura le moins d'indices, du coup, sur le septième extrait. Donc, un point par bonne réponse. Je serai intransigeant et notre huissier grand maître coin également. Donc du coup je vais commencer. On dirait une espèce de sorte de burger quiz là, vu les règles. Peut-être un peu inspiré de Burger Quiz. Un voilà. Grand miam par bonne réponse. Exactement. Le grand miam sera là avec nous. Non, c'est grand maître coin ici. Donc, on commence avec le premier extrait. J'espère que tout va fonctionner. Je suis mauvais joueur. Je suis désolé, Eddie, si je t'insulte. Alors. Mais je t'emmerde, mon petit pote. Oui, bah on va pas commencer comme ça. Donc, attends, si je récapitule, hein, parce que moi je ouais. comprends vite, mais il faut quand même m'expliquer un certain temps avant. Donc, il faut que je dise mon prénom pour dire la réponse. C'est ça, quand vous avez la bonne réponse, vous dites votre prénom, j'arrête l'extrait sonore et vous donnez la réponse. Okay. J'accepte. Et c'est que des extraits de critiques. De critiques. Donc c'est vidéo. Pas un blind test de musique ou quoi que ce soit. Non, ça ce sera peut-être pour une autre fois, mais là c'est des critiques donc qui parlent de films différents. Mm-hmm. Et du coup, on va commencer avec le premier extrait. Vous me dites si vous l'entendez bien, et sinon je ferai les petits réglages appropriés. Voilà, c'est une première. Donc oui, pourquoi est-ce que lorsque l'on parle, on associe souvent ça à une génération, tout simplement parce que si vous découvrez la saga aujourd'hui, il se peut qu'on ne retrouve pas la même magie qu'on avait ressentie à l'époque. Surtout si l'on vous parle inlassablement depuis des années, que vous avez pris de l'âge, etc. Ce premier volet risque un peu de vous décevoir. Et vraiment pour le coup. Oui. Harry Potter. Complète. Bah, là, c'est une critique de la saga Harry Potter. Il a dit un truc. Morgane. Ouais. Non, je ah bon j'accorde à Eddie. Mais. Ah non, bah... Dis-moi un titre du Harry Potter que tu penses dont il bah, parle. Bah oui, c'est à l'école des sorciers, ce qui voilà, parle du premier film. C'est celui-là. C'est très bien. Ok. Voilà. D'accord. Moi, j'étais pas du tout. Moi, j'aurais dit les animaux fantastiques, donc sans ah, regret. Ok. Donc voilà. Ok, très bien. Il y a un point pour Eddie. On peut vous citer aussi la personne en question. C'est Clapman, du coup. Oui, c'est ça. Ouais. Mm. Ah, par contre, Massa, je vais avoir du mal. Hein. Ouais, par contre, j'ai pas noté tous les. Normalement, je me souviens, mais alors, c'est pas sûr à 100%. Je suis pas beaucoup de. Moi, je suis, donc j'essaierai critique. De retrouver. Oui, c'est. En plus, du coup, s'il y a Morgane, c'est parfait. Vous avez tous bien entendu, c'était nickel le son. Ouais, Okay. Peut-être un chouïa plus fort. Mais un chouïa plus fort. Ok, très bien. Donc, je me note ça. Et on est reparti pour le deuxième extrait. Alors, ça charge un petit peu. Et moi, personnellement, je suis extrêmement fan du long métrage d'origine, du film d'animation. C'est Je Morgan. Je crois que c'est mon film. Oui. Le Roi Lion, version 2019. Non. Oh merde! Non. D'animation Disney, le Disney classique préféré, hein, vraiment, j'en aime beaucoup, mais celui-là, je le trouve vraiment au-dessus, vraiment au-dessus. Et donc, c'est vrai que le fait de réaliser un remake live, par maintenant, en tout cas par Disney, alors même si c'est vrai que Zemeckis est derrière. Oui. Alors, oui. Pinocchio. Ouais, c'est ça. Oh, parce que j'ai entendu Zemeckis, je m'apprêtais à dire La Belle et la Bête, ouais. Hein, honnêtement. Mais j'ai entendu Zemeckis, donc j'ai dit Pinocchio. Ouais. Et par contre, j'arrive pas à savoir qui c'est. Au départ, j'aurais dit que c'était le Fossoyeur. Non, c'est Dirty Tommy. C'est Dirty Tommy, ouais. D'accord, mais cette voix grave comme ça, mais c'était pas assez net. Enfin, pardon pour Dirty Tommy. Oui, non, mais il y avait c'était pas la même niveau du son. Ouais, ouais, non, pas mais la même prise de son. Mais après, les voix se rapprochent un petit peu, je trouve. Du coup, c'était bien ça. Voilà, et Dirty Tommy, exactement. Mais c'est très bien ce jeu, ça va me forcer à aller voir des youtubeurs critiques. Ouais, d'ailleurs, je salue Dirty Tommy qui me follow sur Twitter depuis cette histoire de par. Tommy, voilà. J'ai compris, Toby, pardon. Dirty Tommy. Tommy ouais. Oui. Ah, mais désolé pour vous écorcher ton prénom si tu nous écoutes. Il n'y a pas de souci. On va continuer. Donc, Eddie a 2 points, Morgan 0. Merci de me rappeler mon échec. Excuse-moi. Donc, c'est parti pour le troisième extrait. Pour faire un petit vlog sur film de qui est sorti en 1960. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. J'étais obligé de faire cette blague parce que c'est un film que j'ai étudié en cours avec mon professeur d'analyse de film quand j'étais à l'ESSEC. Et il nous sortait cette réplique à peu près à chaque début de cours. C'était bon, alors un petit film des années 60. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Voilà, parce qu'il savait très bien que tout le monde avait déjà entendu parler. Il se trouve que malgré tout, tout le monde n'a pas. Ouais. Psychose ? Dis-moi. Ouais. Putain, bravo. Ouais, alors le youtubeur, je l'avais aussi, mais alors le film. Parce que il allait continuer sur une scène célèbre de meurtre de douche où ça allait tous vous donner la réponse. Ah, okay. Mais Morgan l'a trouvé avant. Film des années 60, il était très sarcastique. Ouais. Mais justement, je me suis dit cet extrait. À Citizen Kane à un moment, mais c'est plus vieux Citizen Kane. Oui, oui. Mais non, je me suis dit, ça me faisait marrer de vous mettre tout l'extrait. ok, très bien, donc 2 à 1. On continue avec le quatrième extrait. Un slice of life movie, c'est une histoire dans un film qui retrace vraiment le quotidien d'une certaine personne. Et au fait, c'est vraiment ce qu'on a dans ce film. On a d'un côté, on va dire, 2/3 du film qui représente vraiment un slice of life de. Et le dernier tiers du film qui est vraiment une histoire à proprement parler. Quand je dis proprement parler, c'est que le dernier tiers est vraiment plus inspiré d'un point de vue narratif. Il y a vraiment plusieurs actes et ça se ressent réellement. Alors que dans les deux premiers tiers, il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a juste l'histoire de ces deux personnages-là et je pense que c'est pour ça que le film a pas mal déçu. Mais ça reste un film qui a quand même la patte de Tarantino durant tout le film concernant les gens. Morgan Eddie, merde. J'ai entendu Morgan en premier, désolé. Morgan Allez, Once Upon a Time in Hollywood. C'est ça. Et c'est qui ce youtubeur hein? Alors, c'est Reggie le Gorilla et. Bon, je ne me prononcerai pas, je ne suis pas dans le. On a entendu un oh non, pas lui au début. Moi, j'ai juste cherché critique avec des noms de films et j'ai pris les premières qui me sortaient. Alors après, bon, faut quand même. Alors, parce que bon, j'ai pas envie qu'on s'en prenne plein la gueule. Ah oui, oui. Moi, je veux dire, chacun donne, enfin, pour parler des youtubeurs, chacun donne son avis, ils ont parfaitement le droit. Oui, bien moi, sûr. Moi, parfois, en fait, quand j'ai dit pas Durendal, c'est pas forcément son avis, parce que des fois, on est même du même avis. Je veux dire, avec Jurassic World, heureusement qu'il est là, parce que je me sens moi seul. mais c'est surtout que, en fait, c'est le ton que je n'aime pas parfois. Oui, le format, en fait, que non, j'aime. Bah, pas. Après, c'est pas forcément, c'est pas la personne en elle-même. Non, ah oui, non, oui, bien sûr. Hein. Pour et Reggie le Gorilla, c'est un peu ça. J'ai un peu du mal avec le ton, en fait. C'est le côté provoque, en fait. Après, voilà. Je t'avoue, je le connais pas. Hein. Mais Il est très provocateur, même dans les tweets. Il fait des tweets volontairement. Pour qu'on parle de lui et c'est un peu du mal. Par contre, Dirty Tommy, qui on va pas se mentir, s'en prend pour le coup plein la gueule sur Twitter. je l'aime bien en tant que youtubeur. Je le connais pas humainement, je pourrais pas me permettre, mais j'aime bien ses vidéos, j'aime bien le ton qu'il a, enfin voilà quoi. Okay. Donc, et en plus il a la même révulsion que moi sur le dernier Tarantino justement, donc du coup je me sens un peu je me sens moins seul, voilà. Attends, quoi? Dirty Tommy n'aime pas du tout Once Upon a Time. Et toi tu n'aimes pas? Bah non, j'ai pas regardé ses vidéos. Alors. Bah non, je l'aime pas. Hein. Ah, vous le savez, je l'ai vu deux fois, à chaque fois ça passe pas. Donc. Ah, ok, d'accord. Eh, bon. Mais personne n'est parfait. Hein. T'as beau avoir deux points si t'aimes pas le dernier Tarantino, écoute. C'est pas. Je suis jaloux parce que j'étais rattrapé, donc voilà. Du coup, on va passer au cinquième extrait. C'est parti. Alors. D'ailleurs, il y a eu l'annonce d'une trilogie. Le premier film donc, est sorti au cinéma. En juillet, c'était le gros film de l'été. Il était au scénar, il est à la réalisation. Il est bien évidemment devant l'écran, hein, en reprenant son rôle du roi Arthur. Alors, au niveau du le casting est assez. Ah, est assez beau. j'ai entendu Eddie en premier. Désolé. Moi, ouais. Alors, c'est KV1. Camelot, ouais, volume, exactement. Volume 1, c'est ça. Premier volume. J'essaie de dire le bon titre. parce que oui, Alexandre Astier, Roi Arthur. Et par contre, ouais. Je ne sais pas du tout qui est le youtubeur. Moi non plus. Je ne sais plus non plus, j'avoue, je suis désolé si tu te reconnais. Mais en émission. Même temps, elle n'a pas l'air de trop aimer le film. je sais plus, j'ai pas écouté. Je vous avoue. Donc, si c'est peut-être mieux pour toi que je ne sache pas qui t'es. Non, je plaisante. Non. D'après mes souvenirs, je crois qu'il avait aimé, mais alors je. Ouais. Voilà, ouais. Mais j'ai pas regardé toute la critique parce qu'elle durait plus de 50 minutes. Donc, voilà. On continue avec le sixième extrait. Toutes ces informations, j'ai pas le temps de digérer toutes les informations quand t'en rajoutes d'autres, tu vois. Et tu fais, oh, laissez-moi respirer avant le dessert, tu vois. Et je l'ai trouvé très, très dense, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expositions. Il y a beaucoup d'expositions. Il faut comprendre. Au début, tu dois comprendre. Tu dis, alors attends, les surcombattants. C'est qui déjà? Alors, c'est qui lui? Pourquoi lui? Ah. Et en fait, et j'étais en permanence en train d'essayer de retenir. Et tu sais, au début, la première heure, j'étais vraiment en mode accroche-toi, retiens les noms. Parce que sinon, je me suis dit, mais je vais tout perdre, quoi. Ouais. Pour vraiment s'accrocher à l'histoire, il faut vraiment retenir quel personnage vous. Oui. Peut-être Dune? C'est ça. Ah. C'est ça. Ah, j'allais mais pas. Alors, j'ai pensé à Dune ou. Alors, aux animaux fantastiques. J'ai pensé à Tenet, moi. Je sais pas. Mais je me disais, ouais, parce qu'elle avait dessiné avec des expositions assez longues, beaucoup de personnages, et après je me suis dit, ouais, mais en même temps, les animaux fantastiques, c'est pas si dur que ça à comprendre, ouais. Enfin, c'est pas dur du tout à comprendre d'ailleurs, mais il y a beaucoup de personnages qui se croisent, et après je me suis dit, Dune, faut s'accrocher. C'était bien ça. Ok, et par contre, c'est qui? C'est du coup le joueur du grenier, et, ouais. Ouais. Et ah, Seb, okay. Du coup, du bazar du grenier, donc la deuxième chaîne. Okay. Voilà, qui parlait du film Dune du coup de Denis Villeneuve, voilà. Okay. Donc adoré moi. Que j'ai détesté moi, voilà. Ah, j'ai beaucoup aimé. Hein. Et d'ailleurs, en réécoutant les anciens podcasts, t'étais pas chaud Eddy hein, pour Dune. Pas du tout. Ouais. Mais comme quoi, voilà. Et je l'ai vu en salle celui-ci pour le coup. Mm. C'est l'un des rares films que j'ai vu depuis la pandémie en salle et j'ai vraiment trouvé que c'était à voir en salle. Et ouais. C'est vrai que j'ai vraiment bien aimé. Franchement, voilà. Je l'ai vu en Dolby, j'étais 5 euros. Mon petit cœur de fan était ravi. Voilà. Fan du bouquin, j'étais ravi. Et je suis très, très impatient de voir la suite. J'ai dormi les yeux ouverts. Mais après, j'irai je comprends. Pas voir la suite, honnêtement. Je comprends les gens qui se sont ennuyés et qui ne sont pas entrés dans la lumière. Ah oui, complètement. C'est tout à fait. Comme ils le disent dans la critique d'ailleurs, il faut quand même s'accrocher. Hein, voilà, c'est ça. Oui, ouais. Oui. Surtout quand tu ne connais pas de base l'univers, que tu n'as pas lu le bouquin ou que tu n'as pas vu le premier film. Moi, j'ai vu le film de Lynch. Non, mais le film de Lynch, honnêtement. Moi, je l'ai vu pour la première fois cet été. Après avoir vu du coup le Villeneuve et c'est particulier. Ouais, c'est vraiment très particulier et même en tant que fan du bouquin, j'ai eu du mal quoi. Après, et même Lynch le renie. Voilà, il le renie. Ouais. Donc du coup voilà. Techniquement Eddy a gagné, mais on joue sur le dernier extrait. Voilà, c'est comme Denis Brogniard dans Koh-Lanta. Pour le sport. Je vais ouvrir un dernier truc, mais il ne changera pas l'issue de ce vote quoi. Voilà. Pour le sport, allez, le dernier. Ça me paraissait un peu beaucoup de dire que c'était. Les gens disaient que c'était un film extraordinaire et vachement intelligent. Oui, c'est un film extraordinaire et vachement intelligent. Je me suis beaucoup marré déjà. Il y a beaucoup de choses très très drôles qui sont incrustées là-dedans, liées beaucoup à l'idée d'illustrer ce qui se passe dans la tête des personnages. Parce qu'il n'y a pas que Riley dont on voit l'intérieur de la tête, il y a d'autres personnages dans lesquels on va pouvoir se Morgan. Aller de temps en temps. Eddie, merde. Ouais, j'ai entendu Morgan en premier. C'est vice versa, putain. Bah voilà, c'est vice versa. Voilà. Merde. Non mais voilà, du coup, bon, Eddie a gagné 3. Ah, il aurait dit Riley, j'aurais répondu plus tôt, mais il l'a trop fait à l'anglaise. Voilà, donc oui, c'était Durandal encore sur vice versa. Du coup, Eddie 4, Morgan 3, c'est très bien, voilà. Merci voilà. d'avoir participé, et, blabla, c'est bon, je connais la chanson. Non, mais tout voilà. Dans mais... l'ordre. Écoutez, ça vous a plu ce petit jeu? Mais ça oui, m'a j'adore. Beaucoup de temps, mais je vous avoue. J'ai pas aimé dessus parce que j'ai perdu, mais bon. C'est... Oui. Moi, tant que je gagne, ça me plaît, c'est bon. Voilà. D'accord. Vous avez vu comment il est prétentieux? Voyez, on voit bien ceux qui aiment Dune. Tout de suite, ça attaque le public. non, mais voilà. On ça avait dit pas les fans, bordel. voilà, ça m'a pris un peu pour de temps. Pour que moi, j'aime faire, bien Roland Emmerich. J'étais voilà. content de vous oui, le faire. Écoute, voilà. On voit ton résultat au jeu, Morgan. Oui, bah écoute. Hein. Tu pourras te rattraper au prochain jeu. Je vous dis, le prochain jeu ne sera pas celui-ci. Hein, ce sera un autre jeu différent. Mais voilà, celui-ci reviendra. Un jeu en anglais. Il va nous faire une spéciale. Je sais pas si tu vas gagner. Hein. Ah, mais si je vous sors des critiques en anglais, allez, hein, on peut le faire. Mais le public va être un peu, peut-être sorti un peu tout ça. Ouais. Mais non. Mais voilà. Bon, ouais, du coup. Moi, j'ai négocié un retour en France, en Grèce, en anglais, mon gars. Alors c'est bon. Non, c'est pas moi qui ai le plus négocié en plus. Mais j'étais là quand même. Donc voilà. Les gens vont rien comprendre. Oui, ouais, c'est des private jokes, hein, vous étonnez pas, c'est pas ouais, grave. Oui, oui. Non, mais les gens ils sont dedans, y a pas de souci. Donc oui, j'ai au moins une quinzaine d'idées de jeux donc du coup. C'est bien avec le rythme qu'on a actuellement, on en a au moins pour 15 ans. Du coup, voilà, exactement. rendez-vous l'année prochaine. donc voilà, je pense qu'on va pouvoir passer tout de suite au thème. C'est parti. Donc on est au thème, du coup, enfin le thème, donc la partie principale de l'émission. Cette fois-ci, on va parler du concept de surcoté, des films surcotés ou des films sous-cotés, de qu'est-ce qu'on en pense. Morgan, c'est toi qui es venu me voir avec ce thème, donc tu peux m'expliquer oui. de comment c'est venu cette idée et de quel film t'es parti pour proposer ce thème. Oui, alors c'était en 2016, parce que c'est vrai que le rythme des podcasts est un peu laborieux. Ce film, non, en fait, j'ai eu cette idée-là parce que le thème surcoté, c'est quelque chose que je voyais beaucoup en fait dans les retours que je faisais sur certains films, notamment sur un film, notamment un réalisateur. Parce que vous n'êtes pas sans Jordan savoir Peele. Que je suis un fan absolu de Jordan Peele. J'étais pas du tout sur lui, moi. Mais oui. Ah non, c'est vraiment sur Jordan t'étais Peele. T'étais sur qui, Eddie? Tu pensais à quoi? Je pensais à Gravity. Gravity fait... Non, pour le coup, non, on m'a jamais dit ça. Enfin, quand il est sorti, oui, mais maintenant, le film a bien vieilli, si je puis dire. Oui, oui mais Jordan... il est toujours considéré comme surcoté, quand même. Oh, je crois pas. Je pense pas. En revanche, c'est vrai qu'en ayant revu Get Out et Us, je sais que les retours que j'avais, c'était Get Out, c'était vraiment bien, mais alors Us, c'était vraiment surcoté et prétentieux. Ah putain, les deux adjectifs, quoi. J'ai commencé un petit peu à creuser le truc en me disant explique-moi pourquoi surcoté, d'autant plus que dans la notion de surcoté, c'est vraiment des films qui sont mis sur un piédestal. J'ai pas souvenir que Us a fait l'unanimité, en fait. À la limite, Get Out, qu'on avait vraiment vu comme une espèce de renouveau, je pouvais le comprendre, mais l'adjectif surcoté sur le film Us, j'ai commencé à gratter, je me suis dit, mais est-ce que surcoté, c'est pas un petit peu la tarte à la crème qu'on fout à toutes les sauces? Juste pour justifier le fait qu'on n'aime pas un film dont peut-être le propos, dont la pertinence ou que sais-je, nous dépasse un peu. Et j'ai commencé un peu à douter de ce terme-là. Autant je peux admettre qu'il y a des films qu'on estime sous-cotés. Il y a des films, j'imagine, on en a tous, des films qu'on trouve pas assez reconnus. Je peux citer un exemple comme ça, mais le Tintin de Spielberg, par exemple, je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas un plus gros bruit que ça, alors que pour moi, il est assez fondateur dans la dernière décennie. Par contre, des films surcotés, j'ai l'impression que cet argument ne veut absolument rien dire. Parce que surcoté vis-à-vis de qui ? Par rapport à quoi ? C'est par rapport en fait à ta vision des choses qu'il est surcoté. Mais ce n'est pas une vision générale. Et c'est sur ça que j'ai abordé Axel en lui disant, voilà. Et comme on était fans tous les deux de Jordan Peele, on était un peu d'accord avec l'idée. Oui, mais en même temps, enfin, moi j'étais complètement d'accord avec ta vision des choses, justement. Le fait que c'est très subjectif, pour moi, c'est même pas un argument, quoi. Qu'on parle de films, quoi. Mais, ou d'œuvres culturelles, hein, plus générales. Pour rentrer dans ce thème, j'ai décidé de vous trouver une petite définition. De surcoté, trouvé sur orthodidacte.com. Voilà. Donc l'adjectif surcoté est notamment employé par les jeunes adultes et les adolescents. C'est un mot qui exprime un jugement de valeur. Qualifier une chose de surcoté, c'est considérer qu'elle n'a pas la valeur qui lui est communément attribuée. Si quelqu'un juge qu'un film est surcoté, c'est qu'il le trouve beaucoup moins bon que ce qu'en laissent penser les critiques ou les avis des autres. Autrement dit, tout le monde semble aimer ce film, mais la personne juge que ce n'est pas mérité, car il n'est pas de bonne qualité. Voilà. Donc, je trouve cette définition assez juste par rapport à la vision qu'on s'en fait des choses. Pour commencer un peu le débat, j'ai fait un peu des recherches sur Google et sur Twitter pour essayer de trouver des listes ou des films justement que les gens pensent surcoté. Donc j'en ai trouvé pas mal et j'ai essayé de répertorier ceux qui ressortaient le plus souvent. Notamment, ceux qui ressortent les plus souvent, c'est les films de Nolan, Inception, Interstellar principalement, un peu Dark Knight aussi, Fight Club, Le Parrain, Avatar 2009, les Fast and Furious, Pulp Fiction, les films Marvel, et principalement c'est ce qui sortait. Donc on peut dire que c'est pas mal de films, déjà c'est que des films qui ont marché, marche énormément, soit critique, soit public, soit les deux. Voilà. Donc voilà. C'est pour moi personnellement, ce qu'on remarque, c'est vraiment la règle pour qu'un film soit jugé surcoté par des gens qui disent détenir le bon goût, c'est que le film soit une acclamation du grand public ou soit une acclamation de la critique ou alors des deux combinés. Et du coup là, quand c'est les deux combinés, c'est encore plus, et on voit de plus en plus de personnes citer ce film comme étant surcoté. Donc voilà. Eddie, toi tu penses quoi du coup de tout ça? Est-ce que tu vois des films qui sont que tu penses surcoté ou pas du tout? Alors pour toi, c'est pas le jugement de valeur que tu peux en faire d'un film? Disons que quand je découvre un de ces films-là, enfin sur lesquels j'ai eu des échos avant, évidemment je pars avec cet a priori-là, mais au final c'est pas ce qui va définir mon avis dessus en fait. Ouais. Donc non, en tout cas ça m'influence pas plus que ça. Je vais pas aller détester Avatar alors que je le trouve super et que voilà, je l'ai revu il y a deux semaines. Parce qu'il est sorti en salle avant la sortie de la suite, là. Bah oui. Je vois pas. Enfin, c'est pas un film surcoté. Je veux dire, quand les gens disent que c'est un film qui fait avancer le cinéma et que c'est une révolution en termes de cinéma, ben c'est vrai, en fait. Donc, je pense pas. Après, moi, de mon avis personnel, effectivement, je pense qu'il y a des films, ouais, comme certains films Marvel, peuvent paraître surcotés. Mais encore, je sais pas si c'est vraiment l'adjectif accordé. Je dirais que ce que je trouve un peu dommage, même si je comprends pourquoi ça marche, je trouve ça dommage en fait que des films comme les films Marvel marchent plus que d'autres, parce que y a pas beaucoup de cinéma en fait dans un film Marvel. Mais c'est normal que ça marche parce que il y a tellement une machine de promo derrière qui est énorme, il y a une base de fans qui s'est construite sur des années. Et moi-même, j'apprécie certains films Marvel, même si depuis Endgame, j'ai un peu lâché l'affaire, parce que clairement, la phase 4 ne m'intéresse pas plus que ça pour le moment. Mais c'est vrai que oui, pour le coup, c'est peut-être cette catégorie de films-là qui pourrait se rapprocher de ce que je vais juger de surcoté. Et encore, je ne sais pas si c'est l'adjectif que je vais employer, en fait. Ouais, Morgan, c'est un peu mon ressenti par rapport à ça. Après, Bah, comme je le disais, alors pour le coup, je rejoins un peu Eddie aussi, mais après, en fait, tout dépend, je dirais, de la manière, en fait, de... On peut, à la limite, trouver qu'un film est surcoté. On avait fait des podcasts, je me souviens, podcast de la décennie, où on avait fait notre top 3 des films surcotés. En cela, j'avais mis Joker en numéro 1, je crois. Ouais. Bah, ouais. En fait, comment dire... Je joue un peu sur les mots, je préfère dire un peu surévalué, que parce que j'ai quand même aussi l'impression que l'estime qu'on a pour un film, il dure pas forcément dans le temps. Là, les films que tu as cités, Axel, et tu as cité beaucoup de films de Christopher Nolan, je peux te dire que si aujourd'hui tu vas sur Twitter et que tu dis que tu es fan de Christopher Nolan, tu es vu comme un crétin, littéralement. Il y a aussi des retournements de veste qui sont énormes. Je pense pas aussi que les films les plus surcotés sont les films qui, par exemple, No Way Home, il a cartonné, mais personne ne le qualifie de surcoté parce que le film n'est pas aimé en fait. Hein, vraiment, enfin, le film marche, mais il n'est pas aimé. Je connais personne qui m'a défendu ce film. C'est vrai. Donc, en fait, après, oui, effectivement, c'est dommage parce qu'il y a des films qui font plus de bruit que d'autres et forcément, on les voit parfois avec un peu de. Bah, quand on sait qu'un film est baigné dans des louanges incroyables et qu'on le voit et qu'on se dit. Le fameux tout ça pour ça, bah je pense qu'en fait, on ne peut pas forcément parler de surcotage, puisque finalement, c'est nous-mêmes qui. Ça reste un film, en fait. Un film n'est jamais vendu comme un espèce. Même Avatar 2, il n'est pas vendu par la Fox comme le truc événementiel. C'est la prochaine révolution du cinéma, non. Mais par contre, les gens, voilà, c'est James Cameron. Et j'avais lu un commentaire, c'était un commentaire sous un article d'Écran Large. Pour une fois où ils ne parlaient pas du dernier Jurassic World, parce que visiblement c'est leur fond de commerce. C'est insupportable. Et il y a quelqu'un qui disait, mais en même temps, c'est pas un peu son job à James Cameron de revenir tous les 10 ans et de remettre les pendules à l'heure quand il s'agit de cinéma. Et en fait, je pense que c'est vrai, du coup, et c'est pas totalement fou, hein, de toute façon. Je veux dire, revoyez Avatar aujourd'hui, faites le bilan des 10 dernières années et voyez l'influence que le film a eue sur les 10 dernières années. Et c'est vrai que partant du fait que c'est James Cameron qui fait ça, bah, tout de suite, les gens vont se dire, oui, mais de toute façon, ça va être une révolution. Alors, effectivement, pour en avoir vu 3 minutes au cinéma, clairement, je pense qu'on va se prendre une grosse claque dans la gueule. Attends, t'as vu la même scène que moi ou pas ? La scène sous l'eau, là. Ah, mais franchement... C'est un truc de mon malade. Mon Dieu, je suis... Mais c'est de la folie, vraiment. J'avais l'impression d'être mouillé. J'ai halluciné à tous les en niveaux, voyant d'ailleurs. Ça. Mais, ouais, non, mais... C'est complètement dingue. Je pense... Mais franchement, alors pour le coup, là, j'ai hâte d'en parler dans un podcast, de celui-là, parce que mais ça va vraiment être un truc de malade. Et alors, forcément, ceux qui ont vécu la même chose que moi, là, il y a 2 semaines, bah oui, ils vont se dire, ouais, du coup, ça y est, c'est bon, Avatar 2, machin, ça va être un truc hyper surcoté et tout, alors que, non, je pense qu'il fallait, en fait, il faut pas parler de surcotage, je pense qu'un film, il faut l'apprécier à sa juste valeur et à ce qu'il nous procure à nous. C'est-à-dire, quand je suis allé voir Jurassic World 3 cette année, je suis allé le voir quasiment une semaine et demie après sa sortie. Le film, il s'en prenait, mais alors plein la gueule. Il s'en prend toujours plein la gueule, d'ailleurs. Mais moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Et quand je l'ai vu, effectivement, j'ai bien vu que c'était pas le film de la décennie, que c'était même pas le film de l'année, et encore moins le film du mois, je pense. Après, il faut faire gaffe aussi à l'inverse du surcoté. Il y a aussi le hate-watching, hein, qui est aussi. C'est un ça. Des... Et ça, moi, ça me gonfle autant, en fait, que quand on encense un truc, en fait. Et c'est un film qui est très particulier parce que, pour moi, Jurassic World 3 là-dessus, c'est parce que finalement, et comme j'ai mis dans ma critique, je pense que je vais arrêter en fait d'écouter les retours avant de voir le truc. Je vais essayer d'arrêter parce qu'au final, oui, c'est pas un grand film, c'est sûr, c'est tellement évident que c'est pas un grand film, mais d'un autre côté, j'ai pas passé un mauvais moment et j'ai pas trouvé que c'était pire que ce que pouvaient être les deux autres, déjà, d'une. Oui. Si t'as pas aimé les deux autres. Et voilà. Donc, en fait, surcoté, sous-coté, c'est quand même... C'est un jugement par rapport aux autres, quoi. Et c'est surtout un non-argument, en fait, je pense. C'est du vent, un peu, en fait. Après, il y a des films, par exemple, qu'on affectionne. Alors, je sais que, par exemple, je suis en minorité avec le film que je vais citer. Il y a un film horrifique sorti dans la dernière décennie que je trouve absolument Unfriended. Brillant, Unfriended. Ouais. Je, mais après, je peux comprendre qu'on trouve ça fin et tout. Mais moi, je comprends pas que tu aimes. Mais je, plus je le vois. Moi, c'est pas que tu l'encenses qui me pose problème. C'est que, en fait, moi, c'est le film en lui-même qui m'énerve. Moi, il n'y a pas de cinéma, en fait, dans ce film-là. Alors que c'est vrai que dans mon point de vue, si, et même encore plus dans le 2, j'adore le 2, je l'ai revu le 2, du coup, je l'ai revu à la hausse. Mais je pense aussi qu'un film, il ne peut pas rester immuable, en fait, forcément, c'est changeant. J'ai remarqué quand même que sur Avatar, que j'ai revu au cinéma aussi il y a 3 semaines, et c'était l'évidence. Je peux vous dire que, voyez Avatar aujourd'hui, après 10 ans de Marvel, je peux vous garantir que vous avez lavé tout ça. C'est-à-dire que là... Lavé, carrément. Ah, mais oui, non, mais c'est vrai, je te jure, c'est un truc de fou. Tu revois Avatar en salle aujourd'hui. Et moi, j'avais mon avis de 2009 était encore très frais dans ma tête. En fait, Avatar m'avait marqué parce que c'était vraiment la première fois que je voyais un truc en 3D au cinéma. Hormis les trucs que j'avais pu voir au Futuroscope, par exemple. Et Avatar avait vraiment cette 3D déjà qui était vivante. Avec de la cendre qui tombe dessus, des gouttes d'eau, les machins, ça marchait super bien. Les scènes de vol, elles sont complètement dingues. Oh là, ouais. La musique. La musique. Et quand tu revois ça aujourd'hui, mais tu peux pas te dire que c'est surcoté parce que c'est tellement évident que c'est. Alors que les gens l'ont pensé durant des années. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui est dommage parce que quand tu le revois, c'est tellement évident que c'est un film qui a fait avancer la cause du cinéma. Et peut-être qui est un peu comme. Comme Lucas en son temps ou Spielberg avec Jurassic Park et tout ça, on le sait qu'il y a des films comme ça qui ont donné lieu à d'autres films qui étaient moins bien. Je veux dire, quand Avatar est sorti, derrière on a vu plein de films qui ont été remasterisés à la hâte en 3D parce que Avatar avait marché en 3D. Hein, le choc des Titans, coucou. Et la 3D, ça devait être effectivement l'avenir du cinéma et ça a fait. Et en fait, il y en a un qui a vraiment réussi à la maîtriser, c'est James Cameron. Et dans une autre mesure, il y a eu Alfonso Cuarón quand même. Qui a servi Gravity en 3D, ah. C'était assez dingue aussi. Il en manque un. Il manque Hugo Cabré. La 3D d'Hugo Cabré était. Je ne l'ai pas vu en 3D. Ah, elle était exceptionnelle pour le coup. Ouais. Là, pour le coup, Scorsese, il savait le. Voilà. Mais c'est des mecs qui savent faire des cadres, hein, c'est tout. Hein. Enfin, je veux dire. Disons qu'ils n'utilisent pas la 3D comme un truc gadget, mais ça fait sens. Non, et même, tu vois, si on veut parler d'un autre film surcoté comme Titanic. Et ben encore une fois, c'est James Cameron. Et ben quand il a sorti Titanic en 3D, et ben Titanic fonctionne en 3D parce que le mec sait faire un cadre et créer de la profondeur en fait. Et dans Avatar, c'est pas toujours des effets sortants qui marquent. C'est que la plupart du temps, là quand tu le revois maintenant, et ben c'est quand vous l'avez revu, c'était en 3D. Ouais. Oui. Moi je l'ai revu en 3D. D'accord. 3D, ouais. Ok. Et en fait, même s'il y a des moments où tu te dis, bah effectivement, là il y a pas d'effet de sortie d'écran. Mais t'as une telle profondeur dans l'image qui n'est pas forcément là quand tu le revois chez toi, même en Blu-ray, 4K, ce que tu veux, que là-dessus, en fait, le film est vraiment, vraiment révolutionnaire, vieilli, qu'on l'aime ou pas, et il n'a pas vieilli. Et déjà, tu le vois, tu te dis, il n'a pas pris une ride, alors que bon, là, il est remasterisé, mais c'est, voilà, c'est... Oui, il y a eu des petits... Oui. Ça se sent... mais quand tu vois les 3 minutes qui te mettent du 2 juste avant le générique, bah, tu te dis c'est jour et la nuit quoi. C'est surtout que je me suis fait un petit constat parce que je suis rentré dans la salle d'Avatar en Dolby. Alors Avatar, c'était le fameux film que tout le monde avait oublié. Oh, le 2 il sort alors que le 1 c'est sorti en 2009, tout le monde l'a oublié. Alors je suis rentré dans la salle, j'ai vu des vieux, j'ai vu des enfants, j'ai vu des gens qui étaient adultes, qui intergénérationnel. Voilà, donc le cinéma fédérateur, on en avait déjà parlé, c'est tout. Et ce que justement, c'est très bien que tu emploies le terme fédérateur parce que j'ai l'impression aussi que les films qui fédèrent sont souvent considérés comme des films surcotés. C'est ça, ouais. Et ben, je pense aujourd'hui que alors Avatar, bon, à l'époque les gens on était déjà présents, hein. Avait un peu pinaillé, moi le premier d'ailleurs, hein. Ouais, le scénario, hein. Et plus, moi je t'en parle l'époque, hein. 2009. Non mais moi je m'en souviens encore des gens qui mais même moi, hein, je disais que c'était une arnaque parce que le scénario était voilà. Scénario du siècle, mais en même temps. Mais 10 ans après, il est toujours d'actualité ce scénario. Hein. Et pourquoi ? Et en fait j'ai la réponse. C'est parce que Avatar, quand je vois les gens dans la salle de cinéma, je constate que les gens en fait aiment les grands récits. Et Avatar, c'est un grand récit comme Star Wars. C'est une épopée, oui. C'est une épopée. Et les gens aiment ça. Les gens, c'est ça le cinéma aussi, c'est de te raconter des grandes épopées, des grands récits. La plupart des films qui ont le mieux marché au cinéma, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Avatar, tout ça, ce sont des grands récits initiatiques. Et c'est ça qui marche. Et c'est ça qui est aussi la performance technique. Et la tradition... Enfin, vas-y, finis. Et justement, les Marvel ne sont pas vus comme des grands récits. Ils sont vus comme une espèce de série télé qu'on continue à consommer parce qu'il y a la suite qui sort. Mais Avatar 2 va marcher tout seul. Et vous avez vu, Avatar, je crois, grâce à la ressortie, a repris sa place de numéro 1 au box-office mondial de tous les temps, je crois. C'est pas pour rien. C'est au bout d'un moment. Mais comme tu dis, les gens aiment les grands récits. Et encore une fois, c'est pas, il n'y a pas de lien avec le surcotage. À ce moment-là, toutes les œuvres écrites de l'histoire de l'humanité, c'est surcoté. Oui. Ouais. Mais je veux dire, quand Homère écrivait l'Iliade ou l'Odyssée, c'est pas surcoté. C'est juste, c'est pareil. C'est des grands destins, c'est des grandes histoires, c'est des héros avec des qui ont des contradictions qui et c'est ça en fait qui parle aux gens. Et en fait, aujourd'hui, ils font la même chose. Et la tradition orale de toute l'histoire humaine, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a plein d'histoires qu'on ne connaît pas et qui se racontaient, qui ne sont pas forcément arrivées jusqu'à nous, mais on parlait déjà d'épopées, en fait, comme ça. Mais même Matrix en est une. Oui, Matrix en est une. En fait, ça reprend aussi le principe du monomythe de Campbell, en fait. C'est-à-dire ce héros-là, comme ça. Et justement, moi, c'est ça qui me plaît. Et dans Avatar, alors après, je pense aussi que le film a une vraie résonance aujourd'hui. C'est con à dire, mais peut-être qu'à l'époque, on n'était pas aussi sensibilisé à l'écologie qu'on l'est maintenant. Aujourd'hui, on a un peu atteint le point de non-retour. On va pas se mentir, c'est chaotique. En ça, Avatar, il était en avance déjà. Il était en avance. Alors après, bon. Parce qu'en 2009, on aurait déjà dû être concerné comme on l'est maintenant, si c'est même pas plus que ce qu'on l'est maintenant par l'écologie. Oui. Et il y a des scènes qui, moi, m'ont touché aujourd'hui. Alors peut-être parce que je suis beaucoup plus adulte et plus sensibilisé à certaines choses. Mais par exemple, j'ai pas pu m'empêcher de faire un lien entre ce qui se passe en Ukraine, par exemple, quand on voit les mercenaires envahir Pandora avec les bébés navis dans les bras de leur maman en pleurs, je me dis, bah, j'ai l'impression qu'en Ukraine, c'est ce qui se passe. Enfin, je veux dire, et c'est là qu'on voit aussi que le cinéma, même si ce n'est pas pour ça que le film a été fait, mais Avatar a des grilles d'interprétation qui sont multiples, qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 12 ans peut s'y retrouver, quelqu'un qui a 60 ans aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, alors autant Avatar, il y a eu beaucoup de personnes qui à l'époque parlaient de surcotage, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est revenu à sa noblesse et à un statut, enfin qu'il est revenu sur le statut qu'il mérite. Mais il y a des films par contre qui sont toujours dans ce côté, ouais, surcoté. Mais c'est sûr, c'est vrai ce que tu dis. Et bien sûr qu'aujourd'hui quand tu vas aller voir le 2 ou même quand tu retournes voir le premier en salle, tu te dis... Tu vas un peu avec cette impression, c'est comme si tu avais un petit peu le gyrophare James Cameron en haut à droite qui te dit bon, hey, vous avez bouffé de la merde pendant 10 ans, je vais vous montrer ce que j'ai fait moi il y a 10 ans. Mais c'est est-ce que vous allez voir maintenant avec quelques figurants. C'est vrai, t'as raison, papa. c'est sûr. Avec quelques fulgurances aussi, par exemple, j'adore Les Gardiens de la Galaxie, par exemple. Toute époque a ses grosses merdes et ces trucs qui sont excellents. Faut pas tout jeter. Le cinéma, il a rayonné à chaque époque et à chaque époque, il y avait des trucs vraiment merdiques. Mais bon, heureusement d'ailleurs. Mais bon, quand je regarde bien, c'est vrai que en 90, il y avait Cameron avec Titanic. Entre 2000 et 2010, Avatar, quand même, s'il faut le réhabiliter d'une certaine manière. Et là, si ça se trouve, il va nous faire Avatar 2. Puis en fait, chaque décennie aura son James Cameron. Mais de toute façon, il va se faire bâcher Avatar 2, c'est sûr. Je pense pas. Je m'attends un peu au même résultat qu'en 2009. Donc je pense que l'argument surcoté, machin, va revenir. Ça, c'est sûr. Peut-être que l'attente que les gens vont juste dire ouais, c'est qu'un film visuel et tout, alors que c'est complètement con. Enfin, c'est bien plus que ça. Et on a parlé, je tiens quand même à rappeler que quand on a parlé de Titanic dans le podcast, on a quand même dit que Titanic en soi c'était effectivement une grande fresque romanesque et une tragédie, mais que c'était aussi un film social. Totalement. Pareil, très très en avance en son temps parce que ça parlait de l'émancipation de la femme et tout. Exactement. Et du coup là, en fait, faut s'attendre un peu à ça. Hein. Je pense que l'avis général va être que effectivement c'est très beau machin, mais bon, c'est juste beau quoi. Voilà. Et je pense puis dans 10 ans on en reparlera. Ah ouais, en fait. Mais je pense qu'il y a aussi une volonté d'aimer Avatar 2 parce que c'est con à dire, hein, mais les Marvel, tout ça, ça saoule beaucoup les gens. Alors paradoxalement, ça marche, mais même moi, j'en peux plus. Hein. C'est ce qui est très étonnant. Je vais même plus. Là, le truc, je sais même pas si c'est un Marvel, la Black Adam avec The Rock, là, j'irai pas. Hein. DC Comics. Ah oui, bon, pareil. Bon, voilà, j'y vais plus. Tout ça, non, franchement, j'y vais plus. Moi, j'ai plus envie non plus, hein, même DC Comics, depuis que la Justice League est morte, j'ai pas envie de découvrir les T'as pas vu celle de Snyder, du coup? Si, il a adoré. Mais elle aura pas d'incidence sur la suite, donc moi, je m'en fous, en fait. Ah oui, d'accord. Non, j'ai pas osé le voir, moi. C'est carrément mieux que ce qui est sorti en 2017. Complètement. Ouais. Mais surcoté, sous-coté, c'est un débat compliqué. Mais en fait, c'est presque comme s'il y avait un débat où il n'y aurait pas besoin d'en avoir, en fait. Oui, de toute façon, ce que je voulais faire avec ce thème, c'est pas vraiment faire un débat, puisque de toute façon, je sais qu'on est à peu près tous d'accord, et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sont d'accord avec le fait que d'utiliser le terme surcoté, c'est quand même, c'est trop subjectif, et en fait, c'est même se baser sur, c'est un peu bâcher la vie des gens, enfin, l'appréciation des gens sur un film. En utilisant le terme surcoté. Et pour moi, c'est vraiment abaisser les autres pour mieux régner. Et je trouve ça horrible, exactement. En fait. Ouais, c'est un peu ça. Donc, du coup. Alors que sous-coté, c'est le mettre en avant devant des gens, peut-être, qui n'ont pas encore été exposés, ou alors qui ont peut-être. Ou alors apporter une nouvelle petite grille de lecture, comment on a ressenti le film de notre côté. Et c'est sûr que c'est subjectif, mais c'est en même temps proposer quelque chose à la communauté, j'ai envie de dire, même si c'est un grand mot, pour peut-être apprécier plus le film, ou alors apporter des discussions, des sujets de débat intéressants. Mais surcoté, en fait, c'est vraiment abaisser la vie des gens. Ah, ben, t'aimes ça parce que c'est surcoté. Du coup, bah, t'es con. Enfin, c'est pas un avis constructif. C'est pas très. C'est pas très bienveillant. C'est pas très. C'est pas cool, quoi. Puis la plupart du temps, c'est que les gens qui vont employer ça, il y en a quand même beaucoup qui se targuent quand même de faire de la critique, en fait. Et. Faut pas oublier que quand tu fais de la critique, le but c'est pas de dire si c'est bien ou c'est pas bien. On en a rien à foutre de savoir si c'est bien ou pas bien. C'est de savoir ce que. Donner c'est de dire avis, ce que toi tu en penses. Ouais. Et de donner un axe de réflexion à d'autres personnes. Exactement. C'est tout l'intérêt, en fait. La critique, si elle est pas constructive, moi je pense qu'elle a aucune valeur déjà. Et c'est surtout qu'elle a pas d'utilité parce que. Bah oui, c'est bien, c'est pas bien. Ouais. Tant mieux, hein, tous les goûts sont dans la nature. Donc C'est ça. En fait, t'as le droit de penser qu'un film n'est pas bien. T'as le droit de le critiquer. T'as le droit de tout. Mais si tu dis que c'est pas bien, explique pourquoi c'est pas bien. En fait. Et surtout, si tu vois des gens qui se réjouissent d'avoir aimé le film, ne va pas leur taper dessus en leur disant « vous aimez un truc surcoté ». C'est débile que toi. À partir du moment où une personne a la capacité de réfléchir sur un sujet, c'est qu'elle est loin d'être conne, déjà. Non, mais donc, sur Us, par exemple, moi, ça m'avait vraiment surpris, parce que j'étais là. Mais moi, je trouve personnellement que c'est un film brillant, dans ce que ça raconte, tout ça. Il est plus radical que Get Out, moins accessible, je l'admets. Mais, t'en as qui me disent, oui, Jordan Peele, c'est une fraude. Mais de quoi? Mais vis-à-vis de qui? Mais de qui? De quoi? Par rapport à quoi? C'est quoi, en fait? Il est où le barème de la fraude à partir? Qui est fraude? Enfin, je veux dire, c'est quoi le truc? Ouais. Juste que il a peut-être un univers qui te dépasse. Que, par exemple, Denis Villeneuve, loin de moi l'idée de dire que c'est une fraude. Son cinéma ne me touche pas. Parce que les mecs, ils savent faire du cinéma. Après, c'est que t'aimes pas ce qu'ils font, mais ils savent faire. Oui, après, voilà. Mais après, je peux comprendre ce qu'on appelle aussi. Alors, pour le coup, j'ai des cours sur qu'est-ce que la critique à la fac. C'est vraiment passionnant, d'ailleurs, un de mes meilleurs profs, Monsieur Saudré, si vous m'écoutez. hier, on parlait d'iconographie, c'est-à-dire identifier. En fait, il nous l'a dit. On s'en fout que vous aimiez pas. Il a pris il a fait un comparatif. Il a dit, si vous aimez pas Marcel Proust, vous aimez pas, on s'en fout. Comprenez. On vous demande de le comprendre, pas de l'aimer. Et bah, il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire, je comprends le cinéma de Denis Villeneuve. Après, bon, on peut comprendre et détester. Winning Refn, je comprends, et je suis pas prêt, voilà. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a. Après, Jordan Peele, je pense aussi qu'on lui fait aussi un peu payer ses prises de position politique qui déplaisent. Qu'il a décidé de pas faire tourner d'acteurs blancs dans les rôles principaux. Ça a été repris en ces termes. Moi, c'est ce que je dis. Ça a dérangé personne quand on a fait tourner que des blancs pendant 50 ans. Et là, on a. Après, c'est sûr, le cinéma, il n'a pas forcément à être politique tout le temps. Mais en même temps, venant de quelqu'un Bah, il parle de ça, donc du coup... voilà, c'est les sujets de ses films, et puis... Il serait hypocrite de pas... C'est ça, ce serait quand même bizarre. Et puis, après, il donne des rôles à des acteurs blancs, je veux dire, enfin, regardez Us, il y a Elizabeth Moss, qui est en plus géniale, c'est une des meilleures scènes du film. Mais qui n'est pas en premier rôle, c'est vrai. Mais bon, après, par contre, c'est pas grave. Alors, c'est elle brille ailleurs, Elizabeth Moss. Non, mais c'est vrai quand même. Après, à tel point qu'on l'a enfermé dans l'image du réalisateur politisé, à tel point que les gens ont dit « Ouais, nope, j'irai pas le voir, ce sera... » Bah, franchement, j'encourage n'importe qui à aller le voir, parce qu'il n'y a rien de politique dans Nope, hein. Absolument rien du tout. Hein. Enfin, Axel, tu l'as vu, on est d'accord. Oui, que, ouais. Justement, si vous aimez Spielberg, allez voir Nope, clairement. Et surtout, Les Dents de la Mer, vous verrez une espèce de relecture, mais version ciel. Franchement... Après, on peut ne pas adhérer au cinéma, mais c'est-à-dire que là... y a vraiment eu ce côté le terme fraude qui est encore plus fort je trouve que sur mais fraude, vraiment fraude c'est abusé, c'est vraiment aucune légitimité à faire moi, au cinéma bah si la fraude c'est Balkany quoi c'est ça. Oui oui effectivement voilà. Oui. Tu vois mais c'est le seul au qui j'utiliserais ce terme enfin tu vois c'est pas Jordan Peele enfin il a rien il fait juste des films enfin c'est pas je comprends pas tu vois même les réalisateurs que j'aime pas par exemple j'aime pas trop le travail de Mike Flanagan je suis pas fan. Adrien non plus. Voilà, mais c'est pas pour autant que je vais dire que c'est une fraude et qu'il s'est enfin il a dû bien faire des choses puisqu'il est arrivé quand même à faire plusieurs films etc et puis même c'est pas à moi de juger s'il est une fraude ou pas et je fais pas partie de l'industrie enfin les gens qui disent que c'est une fraude pour moi c'est comme si il faisait partie d'un gros studio et que il devait choisir s'ils engageaient ou pas Jordan Peele. Ça c'est. Exactement. Je vois pas. Pour moi, c'est pas un argument du tout vraiment valable. Mm-hmm. Et puis c'est vraiment pas. Enfin voilà, je trouve pas ça honnête de. Des fraudeurs non. Après ouais. Oui, qu'il y ait des mauvais réalisateurs. Oui. Ah oui. Il y en a. Ah, hein, qui ou des réalisateurs qu'on estime mauvais. Enfin, pour moi, il y a des réalisateurs qui sont très. Par exemple, je vous avoue. D'accord, il y a j'ai entendu Morgan. qu'on estime mauvais, mais il y a aussi des réalisateurs qui sont pas bons. Il y a même, tu peux aimer un film d'Uwebol ou de W.S. Anderson ou de Ed Wood et tout, tu peux. Mais et encore Ed Wood a eu des trucs. Mais tu peux aimer, mais c'est vrai que reconnaître que là-dedans il y a quand même des films où il y a beaucoup de cinéma, c'est pas vrai. Oui, bien sûr. Où est-ce qu'on se situe. Par exemple, là, je disais Wes Anderson. Je peux te garantir, et je crois qu'Eddie, t'es pareil que moi, Wes Anderson. Ouais. Alors, j'ai un problème avec Wes Anderson. Moi aussi. Je sais que le mec, mais tout ce qu'il fait, objectivement, c'est très bien fait, en fait. Sa gestion des couleurs, sa gestion du cadre, sa gestion de. En fait, c'est selon ça. De l'acting pas, et tout ça. Mais moi, c'est que c'est un cinéma qui ne me touche pas. Et en fait, c'est trop arty pour moi. Je trouve que ça a ce côté hyper stylisé. Peu pastel et tout, ça confère au film une ambiance qui, moi, m'emmerde profondément, mais j'irai pas dire que c'est que le mec sait pas faire du cinéma. Évidemment qu'il sait faire du cinéma. Ça touche d'autres personnes que moi, donc c'est bien, c'est vraiment qu'une histoire de sensibilité, en fait. C'est ça. De toute façon, après, je pense que tout est subjectivité, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, même si on essaie toujours d'être objectif quand même. Je suis le premier à dire je reconnais que, mais ça ne me touche pas. C'est comme Once Upon a Time in Hollywood. Est-ce que je peux, enfin, je n'aime pas le film, mais je ne lui enlève en rien ses qualités intrinsèques qui sont réelles, qui sont palpables, qui sont évidentes même, mais qui ne me touchent pas. Par contre, il y a des scènes assez démentielles quand même. Hein. Mais évidemment, mais je dirais pas que c'est surcoté. Alors que il fait partie. Plein de gens le considèrent comme leur meilleur Tarantino, comme un des meilleurs films. Mais c'est peut-être mon Tarantino préféré. Ah ouais, non, mais je l'admets. Hein. Ou même honnêtement. Un copain, Stéphane, là, qu'on connaît bien. C'est un de ses films préférés carrément. Stéphane, c'est parce qu'il y a Margot Robbie. Ouais, il n'est pas objectif. Il n'est pas objectif là-dessus. Mais ouais. Après, je peux pas. Enfin. Pourquoi je dirais que c'est surcoté, en fait. En plus, dire c'est surcoté, ce serait limite remettre en question le ressenti de ceux qui l'adorent. Ouais, alors, moi, je dis toujours, on peut contester ce que je dis, mais pas ce que je ressens. Si j'ai envie de c'est dire... Exactement ça. Merci, mille fois. Voilà. Si j'ai envie de dire que Gravity est un film qui m'a touché, tu peux pas contester que ça m'a touché. Non. Alors après, tu peux c'est dire, ton ressenti, il est personnel. Voilà. Mais on peut pas le remettre en question. Par contre, on peut contester le fait que, par exemple, si je trouve que Sandra Bullock est extraordinaire dans Gravity, je sais que t'en as qui me disent, oh, je trouve que son jeu est limité. On peut en parler. Il y a pas de souci. Mais tu as tort, mais je vais t'expliquer pourquoi tu as tort. Non. Voilà. Non mais en gros, c'est ça. Mais par contre, ouais. De dire non, mais Gravity, enfin, si je suis en larmes à la fin pour plein de raisons. C'est que voilà, le film m'a touché, on peut pas le contester, ça. Ou comme The Tree of Life par exemple, t'en as qui m'ont dit c'est prétentieux, ça aussi c'est un truc qui revient souvent. Ah, moi j'adore The Tree of Life et vraiment ça fait, je l'ai revu pas de si longtemps que ça, mais c'est un film qui me bouleverse profondément, mais je peux reconnaître qu'on y soit complètement fermé parce que c'est un cinéma très particulier quand même. Ah bah c'est même pas vraiment du cinéma en fait, je pense. C'est une expérience. C'est de la poésie visuelle. Sa poésie. Ouais, oui, c'est ça. C'est, après, je pense que c'est une définition qui est pas trop éloignée de ce que c'est vraiment. Ouais. Ouais. Mais je peux comprendre que du coup ça rebute. C'est sûr. Après, on pourrait parler des réalisateurs. Par exemple, est-ce que vous avez un réalisateur dont vraiment aucun de leurs films vous touche vraiment? Vous avez beau essayer, vous y arrivez pas. Moi, Wes Anderson. Mike Flanagan, parce que mais après c'est très particulier quand même, mais j'ai vu trois de ses films et aucun ne m'a plu, donc il a fait Hush, il a pas mal adapté Jesse's Game, la version portugaise de Us. Non. Hush j'ai bien aimé moi. Non, c'était Hush, c'est le titre en français aussi, je sais. Ouais, non. Hush. Mike Flanagan, il a fait la série avec Loup, il tâche. The Haunting of Hill House. Ça, c'est le seul truc que j'ai pas vu, tu vois, de lui. Et sais c'est que vachement t'avais bien. Bien aimé. Enfin, moi, j'ai vraiment. Mais moi, ces films que j'ai vus, Gerald's Game aussi. Docteur Strange. Ah, c'est Jesse, ça. Jesse, voilà, et Docteur Strange. Docteur Strange. Non, voilà, Docteur Sleep. Allons-y, oui. Docteur Sleep, pardon. J'ai aimé aucun de ces trois films et j'ai du mal avec son cinéma, j'avoue. Mais bon. Il y en a un, moi, par contre, je peux pas, c'est Michel Gondry. Oh, je les ai tous regardés quasiment. Et pareil, j'ai beaucoup de tous. Mal aussi, ouais. Ah, je peux pas, Michel Gondry. Non, moi, j'aime, à part le j'aime clip bien de certains Björk, ces là, films. Qu'il a fait là, mais Michel Gondry. Oh, j'avoue que j'aime. Et bien. À contrario, il y a des réalisateurs qu'on pense qu'on n'aime pas, auxquels on n'est pas sensible, parce que justement, on pourrait avoir l'argument facile de dire oui, c'est surcoté et tout. Et en fait, tu vois un film 2 qui te plaît. Comme bah, moi, je sais que j'ai vu. Par exemple, j'avais bien aimé le Prisoners de Denis Villeneuve. Ah, il est exceptionnel. J'avais trouvé Enemy très chiant et très con, surtout. J'avais trouvé ça faussement compliqué. Pareil. Et du coup, ça m'avait un peu coupé l'envie de voir le reste. Et puis, j'ai vu Dune. Premier Contact aussi. Hein. Et ouais. Premier Contact, je ne l'ai pas vu. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore vu. Bah, tu vas adorer. Ça va te, ouais. Je pense. Ah ouais. Ouais, oh oui. Ouais, vraiment. Si c'est un film sur le langage, ça va me plaire, je pense. Bah, niveau réalisateur, où je regarde les films, mais ça passe pas sauf un, c'est Xavier Dolan. Il n'y a que Mommy qui passe pour l'instant. C'est le seul. Je fais pas du hate watching, tu vois. Je suis pas partie de ce. Enfin, maintenant, non, mais... c'est révolu. Hein, le côté Xavier Dolan, c'est un petit con prétentieux. Ça, c'est fini parce qu'il a vieilli. Mais, mais c'est vrai que post-Mommy, c'était compliqué. On se souvient du débat, Eddie. Et, c'est vrai que je les ai tous essayés après Mommy, quasiment. Ouais, et en fait ça passe pas. Je sais plus, il y en a que j'ai pas vu de lui après Mommy. Ouais, là les derniers moi je les ai pas vus non plus, hein, alors que je suis un, enfin j'ai là, beaucoup aimé Mathias avec Maxime. Deux prénoms en titre là, je sais plus comment il s'appelle. Mathias et Maxime. Ouais. Ouais, celui-là je l'ai pas vu. Je crois que c'est ça. Ouais. Et moi ou j'ai alors, pas vu son film américain non plus, tu vois Donovan là, la vie de c'était chiant, ça. Ah ouais, c'est horrible ça. C'était mal joué en plus. Ah puis Jacob Tremblay qui hurle devant la télé. Mais Jacob Tremblay était vraiment. Enfin, pourtant c'est un petit gars qui est super d'habitude, mais là il était vraiment mauvais. Ah ouais, j'avais envie de l'encastrer dans la télé là, vraiment. je ne pouvais pas. Ouais. C'est tellement pas naturel cette scène là. Ah oui. Oui, puis personne réagit comme ça. Je veux bien qu'on soit un petit peu excessif quand on est fan. Et puis Nathalie Portman qui est complètement qui rigole gentiment à côté, mais moi mon gosse il crie comme ça devant la télé, mais calme-toi. tu balances un saut de glaçon, je sais pas, enfin fais quelque chose, mais il est pas bien le gosse là. Tu le baïonnes, tu l'envoies à l'asile. Oh, en parlant d'asile, j'étais triste, hein, l'actrice qui joue Louise Fletcher, Ratchet dans Vol au-dessus d'un nid de coucou qui est morte, c'est quand même une des plus grandes méchantes de l'histoire du cinéma quand même. Ouais, non, mais c'est vrai. Et oui, ces derniers jours là, on a perdu pas mal d'acteurs importants. Tout fout le camp. Ouais. Même la reine d'Angleterre. Ouais, la pauvre. Donc, oui, non, mais du coup, On va recentrer de nouveau. Moi, je voulais juste c'est passer. Rubrique nécrologique, c'est le nouveau thème. Ouais, mm. Ouais, c'est une petite sous-partie du podcast. Non, mais du coup, comme. Il va, il va nous faire écouter des voix et on va deviner mort ou vivant. Non attends, on me donne pas des idées. Non, c'est horrible, ça, c'est très glauque. Je voulais passer du coup au film qu'on considère comme sous-côté pour finir un peu ce thème, pour finir sur. Une bonne partie, quelque chose qui nous donne le sourire. Donc, sur des films qu'on peut considérer comme sous-cotés, moi j'en ai noté quelques-uns. Je commence avec, je sais que vous allez adorer, et est-ce que, parce que j'ai eu un débat avec moi-même, est-ce que ce film est sous-coté ou pas ? Ça t'arrive souvent. Ouais, ça m'arrive, tu sais, je suis dans ma tête et je me dis, attends, mais est-ce que je le mets ou pas ? Cloud Atlas. C'est son petit côté Dory. Pour moi, Cloud Atlas, tu vois. Eh ben, il a cité le film auquel je pensais. Ah ouais. Ben, du coup, il n'est pas assez cité, je trouve. Ah oui, clairement. Par rapport à la qualité qu'il a. En plus. Et souvent, quand on entend parler des gens de ce film, la plupart ne l'aiment pas trop. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses qui vont pas dans ce film, je trouve. Il y a des choix artistiques qui sont les maquillages qui sont doutables, des choix qui font ressembler les acteurs à des rats. Ouais, mais qui ont beaucoup de sens dans l'histoire. Qui ont du sens dans l'histoire. Ben oui. Je ne nie pas ça, mais à part ça, je trouve l'histoire splendide. Ah oui. C'est une épopée, comme tu disais, épopée. Ah alors oui. Là, vraiment épopée qui ne s'arrête pas pendant c'est quasiment 3 heures de film et c'est pas si dur à comprendre que ça hein. Ah non pas du tout, c'est très limpide en fait de la manière c'est pas parce que c'est Lewakowski que c'est compliqué à comprendre hein. Ah non mais pas du tout non mais t'en as plein, ils partent avec cet a priori là mais non, alors oui c'est sûr Matrix faut s'accrocher un peu des fois mais oui, sinon ouais, bon ça va quand même ouais, hein, c'est hyper ça. Cérébral ça ouais. Matrix 1 ça va mais c'est par contre j'avoue le 2 ouf. Ah non, c'est à partir du 3, moi, j'ai plus eu du mal, mais... Pas du 4. Non, pas encore, moi, non plus. Il est sur MyCanal, là, j'ai vu, je vais me le mater pendant les vacances. Ça avait l'air très très beau, hein, mais pas vu. Donc voilà, Cloud Atlas, pour moi, c'est un film qui est sous-coté et qui mériterait d'être plus vu, plus cité, comme un grand film de cette dernière décennie. D'ailleurs, on en avait parlé dans notre podcast décennie, que je vous invite à réécouter, si vous ne l'avez pas fait. Voilà, on va passer un petit peu chacun notre tour. Morgane, toi, tu as un film auquel tu pensais ? Un seul. Désolé, non, je mange un cookie. Ouais. Ah, pardon, sinon je passe à Eddie. Non, mais je peux parler la bouche pleine. Ah. Mais tu m'as piqué celui Ah, je t'ai piqué dire. Ah, mince. Bah, si tu veux dire quelques mots sur Cloud Atlas. Mais non, ce serait bien que j'arrive à en citer un autre. Bah, je te laisse réfléchir. Morgane, je pense à finir son cookie. Qui avait l'air délicieux d'ailleurs. Ah, mais ils sont incroyables. Moi, il y en a un qui me vient en tête, c'est. Parce que c'est vrai que les biopics, c'est un truc dont on. Il y a quand même des grands biopics. Alors, il y a des biopics dont les succès m'ont dépassé, comme La Môme. Mm-hmm. Et il y en a dont les. C'est dommage qu'ils ne font pas plus de bruit, comme Clo-Clo. Clo-Clo, j'admets que c'est un film que je trouve profondément génial parce qu'il va au-delà même du biopic. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est le fait que. Ceux qui sont fans de Claude François, ce qui est mon cas, apprécient le côté purement didactique de cette figure de la chanson française qui était un peu visionnaire en avant sur son temps aussi. Mais en même temps, ce que j'aime bien, c'est que le film est assez radical dans son parti pris parce que c'est pas un portrait hagiographique. C'est pas une éloge de Claude François. On le voit vraiment sous son jour le plus colérique, le plus manipulateur, le plus dragueur aussi, enfin le plus problématique. Ouais. Et puis c'est surtout un film avec une vraie mise en scène, il n'y a rien de scolaire. C'est un film qui est logique, il y a des scènes qui sont absolument renversantes sur le plan de la mise en scène, un plan séquence à travers une espèce de course-poursuite dans Paris entre un Claude François jaloux qui veut chercher, qui veut rattraper la fille, qui veut le larguer parce que le mec est un gros cinglé. Et la chanson qu'on entend, c'est comme d'habitude, c'est un plan séquence, et c'est sublime. Et je me dis, c'est vrai que des biopics aussi bien réalisés, parce qu'à chaque fois qu'il y a un biopic, j'ai l'impression que les gens, même si j'ai l'impression que c'est un genre qui fait moins, qui attire moins qu'avant. Avant, les biopics, ouais, on y allait plus facilement. Là, il y en a un sur Whitney Houston qui va sortir, je mise pas un euro dessus. Le truc sur Aretha Franklin, personne n'y est allé. Bon, il y a le truc mais sur, après, sur William, là. Après, les derniers qui ont bien fonctionné, et, c'est que c'était quand même celui sur Elton John. Et celui et sur, puis, c'est vrai. Sur Queen. Ah putain, ouais. Ah, Bohemian Rhapsody, ouais. Ouais, ouais. Bah alors ça, ouais. Ça, ouais. Pas osé. Pas osé. Ouais. Mais moi, j'ai adoré, hein, ça. Je trouve ça dommage qu'on ne parle pas assez de Clo-Clo. Après, dans le genre blockbuster, je vais essayer d'en faire trois, là. Je vais me faire un petit top 3. Bah, j'avais parlé d'Unfriended. Pareil, Unfriended, c'est pour moi. Tu considères ça comme un blockbuster ? Non, mais pas trop. Non, non, non, non, non, non. Ah, non, ah oui, le pardon. Genre, ouais. Le troisième que je vais citer. Ah, ok, d'accord. Okay, d'accord. Non, non, Unfriended, bah, dans le genre petit film inattendu que j'avais pas vu venir et qui pourtant utilise un langage cinématographique absolument, enfin, de manière très novatrice. C'est ce que j'aime au cinéma quand je suis surpris. Moi, j'adore les films conceptuels et Unfriended s'en est un. J'adore le 2 aussi, qui va beaucoup plus loin que le premier, avec sa démesure, avec son outrance, mais que j'aime autant. Les deux font une espèce de diptyque qui ont une utilisation du langage cinématographique que je trouve évidemment fascinant. Et en troisième, c'est un film que j'ai découvert très jeune et que je regarde avec toujours beaucoup d'effroi et de je suis toujours impressionné devant, c'est Le Jour d'après, de Roland Emmerich. J'adore ce film, je trouve qu'il est dans le genre blockbuster intact, parce qu'on parle aussi des films qui ne vieillissent pas. Autant, bon, les blockbusters de l'époque, parfois, on voit les visuellement, ça vieillit un petit peu quand même. Alors, dans je ne sais pas... Dans le propos, peut-être pas trop, mais... Non, pas le propos, si ça non, reste, pas le... Mais ça vieillit un petit peu, visuellement. Ah, je t'avoue que la vague dans New York, moi, elle me fait toujours le petit... Non, mais la scène fonctionne très bien, mais visuellement, ça se sent. Moi, je dois être con, parce que je ne vois pas le truc. À part les loups. Ouais, les loups, c'est un peu... Ah oui, mais ils étaient déjà moches à l'époque, hein, les loups. Oui, puis je trouve ça con dans le film, en fait. Le coup des loups, je trouve... C'est à la limite la petite faille que je vois dans le film. Mais c'est vraiment le... Moi, j'adore les films catastrophes. C'est... Ah, c'est bon, j'en ai plus. Pardon. Ah, super. De quoi, un film catastrophe ? Non, non, un film sous-côté. Oui. Ah, et ben, je trouve que ce film-là, voilà, c'est dans le genre blockbuster catastrophe, qui très généreux, mais en même temps très intelligent, quand même, parce que à l'époque, il faisait un peu... On parlait de choses qui nous dépassaient aussi un petit peu. On n'était pas du tout dans les questions écologiques, quoique il y avait quand même une fibre politique, enfin, comment dire, un mouvement politique qui était dans ce truc-là, Greenpeace, tout ça. Mais là, aujourd'hui, quand on le voit, on se dit, putain, ça se trouve, c'est ce qui nous attend demain, quoi. Donc, et ça fait peur. C'est un film qui me fait peur. D'ailleurs, j'ai lu un article de National Geographic. Les courants, enfin, il y a un dysfonctionnement qui se met en place. Hein. En Atlantique. Voilà, donc bon, c'est... Tout va très bien. Bon, franchement, entre ça et la bombe nucléaire de Poutine, j'ai envie de dire... On a commencé quand même 2020 avec le Covid, avec tout ça et tout. D'ailleurs, on n'a pas encore eu de film sur le Covid. Enfin, j'aimerais bien qu'on en voit un petit peu. À mon avis, ça va pas tarder. Hein. Ouais. Je pense. Enfin, aussi, on a eu le film avec Danny Boone, 8 rues de l'humanité, là, je sais pas quoi. Ouais. Oui, oui. Il y a eu des films confinés, là, les trucs sur Prime, sur Canal. Oh etc. Oui, il y avait un super film d'horreur, d'ailleurs, qui s'appelle Host. Pareil, le même principe qu'Unfriended, un peu plus fauché, mais tout aussi flippant. Mais voilà. Je t'avoue, j'ai pas vu tout ce qu'il y avait. Mais du coup, Eddie, toi, t'as trouvé du coup un film... J'en ai trouvé deux. Vas-y, vas-y. Qui ne sont pas des blockbusters. Moi, je continuerai du coup après ma liste. Alors, il y en a un, je pense que ça parlera à Morgan aussi. C'est un film de Clint Eastwood et je trouve pour le coup, il est sous-coté. En fait, c'est un très beau film, c'est L'Échange. Ah, L'Échange. Oh là, oui. Et en fait, je ne sais pas si c'est l'effet Angelina Jolie ou. C'est vrai que c'est une actrice très glamour et tout qu'ils ont mis dans ce rôle-là. Et bon, moi, c'est ce qui me plaît en fait aussi. Mais c'est vrai que quand on parle des films de Clint Eastwood, on va citer. On va citer Mystic les River, westerns, on va d'abord. Citer les westerns. Ah, oui. Et puis dans les films qu'il a fait lui, c'est vrai qu'on va vraiment citer... Ouais. Million Dollar. Million Dollar Baby, Grand Torino, qui sont très bien. Hein, mais c'est vrai que L'Échange, souvent, Mais parce que L'Échange, en fait, il a été étouffé par Grand Torino, je crois. Je crois qu'il est sorti C'était pas sorti en 2009, 2010, un truc comme ça. 2008, aussi, L'Échange. Ah, 2008, ouais. Ouais, et Grand Torino 2009. Et du coup, Grand Torino a tellement plu qu'il a étouffé L'Échange. Et j'admets que je préfère, je crois, L'Échange à Grand Torino. J'aime bien les deux. Je pense que je préfère J'adore L'Échange deux. Aussi parce que le sujet me... Enfin, disons que le film m'a plus ému. Et moi, je fonctionne quand même beaucoup à l'émotion sur les films. Hein. Ah putain, c'est bon, j'en ai trouvé un troisième. Dis-le. Et du coup, c'est vrai que oui, celui-là, je sais pas, il y a quelque chose qui... ça me fait de la peine quand même sur ce film-là, okay. Parce que c'est un film qui a quand même des... Bah, qui, dans lequel il y a du cinéma aussi, il y a de la mise en scène, il y a le jeu d'actrice, c'est quand même... Enfin, moi, Angelina Jolie, je trouve, je la trouve très crédible dans le rôle. Et elle est très émouvante, quoi. Donc, je comprends pas pourquoi on a tendance à minimiser, en fait, ce film-là dans la filmographie de Clint Eastwood, alors qu'il a quand même beaucoup d'atouts pour lui et qu'il est très beau, quoi. Moi, je l'avais vu au cinéma avec mes parents et on en était ressorti vraiment, vraiment ému, quoi. Donc, ouais. Tu ressors l'estomac noué, hein. C'est poignant comme truc, hein. Et ce que ça dit aussi là de la société corrompue. C'est ça. Donc il y a pas mal de choses quand même, je trouve, qui font mouche dans ce film, mais je pense qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Ok. Donc ce film là, le deuxième, ce serait un film alors beaucoup plus grand public et beaucoup plus presque un film familial. C'est un film de Chris Columbus. Ouais. C'est ma meilleure ennemie. Oh, jamais entendu parler. Alors, c'est sortir l'homme bicentenaire. Non, je l'ai pas vu celui-ci, mais en fait, ma meilleure ennemie, c'est avec Susan Sarandon et Julia Roberts. D'accord. Et en fait, c'est de Julia Roberts, il pourrait aussi y avoir Erin Brockovich, je pense, qui a très bien marché. Elle a à l'époque, ouais, mais. Mais je pense qu'il est un petit peu sous-côté quand même. Ouais. Alors que dans la filmographie de Soderbergh, je pense qu'il est un peu sous-côté, alors qu'il est. Il est très bien. C'est pas son premier film ? Non, c'était. Non, c'était Trafic, je crois. Trafic et Sex Mansion via vidéo, je crois. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, Erin Brockovich, ouais, pareil, je pense qu'il y a beaucoup de choses à en retirer de ce film-là. Mmh. Le sujet est très intéressant, c'est bien traité, l'actrice est géniale et le personnage est complètement génial aussi. Mais Ma meilleure ennemie, en fait, c'est un film. Alors, clair, c'est très américain, hein, c'est fait pour faire pleurer la ménagère et tout, mais je trouve que c'est un joli film sur la famille recomposée et sur les enfants au milieu de tout ça, et les parents aussi face à l'ex-conjoint qui refait sa vie, et sur les liens en fait qui subsistent quand une famille périclite un peu comme ça. Et je trouve que ce film fonctionne bien. Et moi, c'est un film qui m'a toujours beaucoup ému parce que il y a une scène vraiment sur la fin où je me mets à la place des enfants et je pense à oui, je me rends compte que en disant ça maintenant, c'est pas forcément très approprié, mais je pense à ma maman et je me dis voilà, je sais pas comment je réagis. Donc je suis un peu désolé, je réagis à ça. J'y pense maintenant en disant, c'est pas très malin de ma part, je suis navré, mais. Mais voilà, c'est un film, je pense, qui est sous-coté et qui est très beau et que... J'ai pas saisi le truc, là. Bah, c'est, en fait, il y a une histoire de... Enfin, je peux pas tout dire, sinon je spoil un peu le film. Ah, ok, d'accord. Mais il y a une histoire, voilà, sur la maternité et sur le rapport des enfants à leur maman. Et du coup, qui, moi, me touche beaucoup, même si j'ai pas forcément été confronté à ça dans ma famille, mais ça m'émeut, en fait, ce que je m'imagine à la place de ces enfants-là. Et voilà. Donc, c'est vraiment un film que j'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est un film qui a un rapport particulier dans ma famille, parce que c'est mes sœurs qui me l'ont fait découvrir. Moi, j'ai grandi avec deux sœurs qui étaient fans de Julia Roberts. Donc, du coup, j'en ai bouffé. Hein, Mystic Pizza et compagnie. Mais du coup, j'aime beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup, par exemple, Manche Prix M avec Julia Roberts, qui est un film qui se fait lyncher... Alors que c'est voilà parce qu'en fait c'est une riche new-yorkaise qui va c'est une adaptation d'un bouquin qui va partir un peu dans le monde pour se ressourcer et tout, et il y en a qui disent forcément les riches ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et tout, mais après encore une fois je m'en fous moi de ça, c'est tout ce que ça va lui apporter à elle et tout le questionnement que ça t'amène à toi derrière, c'est ça en fait qui m'intéresse et c'est pour ça. Et d'ailleurs Mange Prix M, c'est réalisé par Ryan Murphy, qui a réalisé Dahmer, donc Mange Prix M, voilà. Ouais. Et dans le thème, quoi. Ouais, mais alors, pour le coup, rien à voir. Dahmer. Ah oui, c'est l'air Dahmer. Ouais, c'est l'air Dahmer. Morgan tenait absolument à faire cette blague. J'ai piqué ta blague, désolé. L'air Dahmer. Et voilà, donc c'est. Oui, ces deux films-là avec Julia Roberts, ces trois films-là avec Erin Brockovich, ouais, je pense qu'ils sont sous-cotés. Ce sont des beaux films et des films qui, moi, m'ont ému. Très Très et bien. Le dernier, donc, alors vous allez me dire, c'est que des films avec des femmes, mais tant pis. Non, mais... Il n'y aura pas de blockbuster, mais c'est un film de Pedro Almodovar. Et, c'est Agora? Non, ah non, c'est, non, alors non, ça c'est Alejandro Amenábar. Pour le coup, oui, il est sous-coté aussi, hein, celui-là, ouais, je pense. Ouais. Ce qui est très très bien. Et encore une fois, c'est un film féministe. Oui, oui, aussi. Il est excellent, je trouve. Agora est dans, mon top 10. Mais voyez-le, ouais. Moi j'adore ce film. Je pense qu'il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Non, ce serait Volver chez Pedro Almodovar. Ah, ouais. Et je trouve, pareil, c'est un excellent film sur la maternité, sur la famille. Et souvent, il n'est pas cité, en fait, quand on parle de Pedro Almodovar. C'est peut-être son film le plus grand public. Et c'est un peu comme La pielle qui habite au, quoi. On en parle un peu moins, alors que c'est vraiment un film génial. Moi, j'adore revoir ce film. Et alors, pour le coup, il faut le voir en VO, parce qu'il est, parfait. Et voilà, j'adore ce film-là, et je pense qu'on on n'en parle pas assez. Très bien. Voilà. Ok. Bah nickel, et moi je voulais vite continuer, comme ça on finira ce thème. Du coup je voulais citer un, alors c'était dur parce que je voulais j'ai cité Jackie Brown parce que je trouve que dans la filmo de Quentin Tarantino, Jackie Brown ne ressort jamais, et pourtant j'adore ce film, il est incroyable, je le trouve. Et ben moi je l'ai jamais vu. Et franchement, je t'invite à le regarder parce que moi, je l'ai découvert pendant le confinement. C'était le dernier Tarantino que j'avais pas vu, donc j'avais enfin tout vu de sa filmo. Et parce que pour moi, j'ai toujours entendu Jackie Brown, oh, c'est un film mineur, tu vois. Et honnêtement, je le trouve vraiment trop bien, quoi. Il a tout. C'est un film d'enquête, mais en même temps. C'est un film qui rend hommage au film de Blaxploitation des années 70, des films de un peu de mafia, d'histoire de drogue, etc. Mais c'est fait très subtilement, et j'adore ce film, j'adore l'actrice principale, Pam Grier, qui est incroyable dans son rôle, et voilà. Je voulais aussi citer absolument un film de Brian De Palma, alors j'ai hésité entre Blowout, Phantom of Paradise, et ce troisième film, mais du coup je veux citer L'Impasse, qui est rarement cité, je trouve. Il y en a toujours pour Scarface, en fait, avec Pacino et Brian De Palma, mais pour moi L'Impasse est supérieur à Scarface, et vraiment c'est un des meilleurs films des années 90, un des meilleurs films de gangsters de tous les temps, et vraiment j'adore ce film. Citer aussi un film que, bon, je sais, là mais tout le monde va vu L'Impasse. L'Impasse, tu l'as vu? Oui. C'est avec Sean Penn. Ça fait longtemps. Ça date de quand? Ah oui, 2014. Ah, oui. Ouais, mais moi, c'est un film que j'aime bien revoir de temps en temps. Et que... Ça ne m'avait pas captivé, oui, quand même. Ouais. Bon, après, je peux comprendre. Les Affranchis et tout ça. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, oui, c'est pas. Oui, clairement, c'est loin d'être un mauvais film. Très Enfin, de toute façon, moi, Brian De Palma, j'adore. Donc, et ça fait partie pour moi de ses meilleurs films. Un film qui va faire l'unanimité ici, c'est La Guerre des Mondes 2005 de Spielberg. Ah, bah oui. Ah, très clairement. J'ai pas cité celui-là, moi. Qui est, je trouve, aussi sous-coté. Que complètement. À chaque fois qu'on l'évoque, ce film, tout le monde dit, ah bah, il y a Tom Cruise. En plus, c'était dans sa pleine période où il était complètement. Oui, les fou, Américains n'aiment pas ce film à cause de ça. Hein, ouais, voilà, c'est que... ça. Où il était complètement dingue sur les plateaux télé, où il se mettait sur des canapés, il criait, je sais pas quoi. Enfin, voilà, c'est parodié dans Scary Movie, c'est génial. Ça. Ouais, voilà. mais à part, si on met à part ce côté de Tom Cruise, franchement, le film est génial. C'est un film incroyable de Spielberg, spectaculaire. Et puis il reprend l'histoire de la guerre du monde, mais il la modernise et il le fait de manière géniale. Donc voilà, La Guerre des Mondes. Et visuellement, ça vieillit bien. Ah ouais, visuellement. La première séquence là, c'est dans Queens, hein, qu'il habite. Ouais, c'est ça. Et elle est complètement dingue, quoi, avec tous les gens qui courent, les explosions en arrière-plan, enfin, et Tom Cruise, enfin, c'est complètement dingue, je trouve. Et c'est vrai que on pourrait dire que ça s'essouffle un tout petit peu après, le rythme est un tout petit peu cassé après, mais en fait, il se concentre plus sur la côté familial. C'est ça. Et moins sur mais le côté spectaculaire. Mais il y a des séquences, et c'est un film qui est hyper grave en plus. Ah oui, oui. C'est ce que j'aime bien, en fait. Il y a vraiment ce côté... en fait, c'est pas traité vraiment comme un film de science-fiction. Mm. C'est ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle La Guerre des Mondes, et c'est vraiment traité comme un film de guerre, la planète se fait envahir, et on est vraiment au point de vue de l'humain, donc ça fonctionne très bien, évidemment. Et c'est vrai que oui, tout le contexte familial, et on est vraiment avec ces gens qui sont pris là-dedans et qui n'ont pas le choix que de subir face à un ennemi qu'ils ne peuvent pas vaincre. Hein. Et c'est vrai qu'il est beaucoup trop sous-coté. T'as bien raison de le citer, je te félicite pour ça. Merci. Ouais, moi j'applaudis. Ah oui, non, mais c'est vrai. J'ai même pas pensé, et c'est vrai que c'est un film clairement qui. Je savais que ça allait faire l'unanimité, ça c'était, c'était sûr. Deux derniers films, je vais finir rapidement. C'est des plus petits films. Mais qui a tué Harry de Alfred Hitchcock. Une comédie. C'est-à-dire Mais qui a tué Pamela Rose. Ça j'adore. Mais le film s'appelle The Trouble with Harry en anglais et Mais qui a tué Harry en français. C'est un film d'Alfred Hitchcock. C'est une comédie. Et c'est super drôle en fait. Mais ça parle d'un jeune garçon qui trouve un corps et en fait il va aller voir sa famille et ça va partir de là pour découvrir mais comment ce corps est arrivé là. Il le trouve dehors hein, en train de jouer et du coup ça part de là et ça va de situation rocambolesque en situation rocambolesque. Je l'ai bien en tête celui-là aussi. Et c'est vraiment honnêtement quand on cite Alfred Hitchcock, ce film n'est jamais cité parce que évidemment la carrière est énorme, mais ce petit film, honnêtement, si vous l'avez jamais vu, Et vraiment, c'est pas un vieux Alfred Hitchcock, il date de 1955, c'est vraiment... Ouais. Mais il a tout le charme du studio, par contre. Ah oui, totalement. J'adore les voir dans la campagne, et tu sais que c'est du flan, mais ça marche tellement bien. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça rend très très bien. Ouais. Pour ceux qui ont peur du noir et blanc, c'est en couleur, voilà, au cas où. C'est vraiment un petit film très, très réjouissant et qui est sous-coté par rapport à la carrière d'Alfred Hitchcock. Puisque elle est énorme, mais voilà. Je voulais quand même en dire deux mots. Et enfin, un petit film qui s'appelle Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, qui est un film qui me touche énormément. Avec Keira Knightley, non ? Avec Keira Knightley et Steve Carell, qui est un film qui me dévaste à chaque fois, puisque en fait, ça parle d'un mec qui est seul et qui, enfin, le monde du coup. Va vers sa perte, va vers sa fin, tout autour de lui. Du coup, il va se lier d'amitié avec une voisine qui venait d'emménager dans son immeuble. Et puis après, ils vont partir. C'est un peu un road movie. Mais ce film me dévaste et me fait pleurer beaucoup de fois. au moins à deux scènes, dont une scène, pour ceux qui l'ont vu, avec l'hélicoptère, je ne spoilerai pas. Et alors, le synopsis, c'est très court, et je pense que c'est très bien, justement. Ouais, l'annonce imminente de la fin du monde, Dodge décide de partir à la recherche de son amour de jeunesse. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment touchant. Et c'est franchement, si vous ne l'avez pas vu, c'est un petit film agréable à regarder. Et voilà, je voulais parler d'un petit film pour finir. Je pense qu'on a fini sur le thème. C'était un gros sujet. Maintenant, on va clore. Il y en a plein d'autres. Hein, mais bon. Oui, bien sûr. Hein, on voulait en citer quelques-uns quand même pour finir sur une bonne note sur ce thème. Voilà. Du coup, on va passer à la dernière rubrique de ce podcast et ce sera les Minutes Nerd. C'est parti. À la dernière rubrique de l'émission, les Minutes Nerd. Donc c'est comme dans les autres émissions, mais cette fois-ci c'est chacun qui aura une petite Minute Nerd. Donc je commence avec Morgane. Dis-moi ce que tu as prévu pour cette petite Minute Nerd. Alors, comment dire ? Je sais que la musique c'est subjectif, alors c'est compliqué de conseiller à quelqu'un d'écouter de la musique et tout. C'est mais très bon. Bien. De quoi ? Non, c'est très bien. Je suis impatient de voir ce que tu. Moi, c'est pour ça que c'est prévu, hein, la Minute Nerd. Tu peux conseiller ce que tu veux, justement. Alors, disons que je me suis mis il n'y a pas longtemps au vinyle. Voilà. Je me suis oui, j'ai vu ça. Des disques. Voilà. Et j'ai envie de rendre hommage à ce qui est pour moi l'un des meilleurs albums que j'ai entendu de ma vie. Un album français. D'un Jean-Michel Jarre. Français. Ah non. Non, c'est pas Jean-Michel Jarre. Ah, j'aurais pu. Peut-être, ouais. Bah, d'ailleurs, il sort un prochain album là, le mois prochain, donc peut-être que j'en parlerai. Non, c'est un album sorti en 2017 qui est l'album 13, donc le titre c'est 13 de l'album, d'Indochine. Mmh. Qui est pour moi ce qu'ils ont fait de mieux sur le plan musical. C'est un petit peu pour moi le summum de leur virtuosité, des paroles qui sont pour moi mais brillantes, des mélodies qui sont ultra sublimes et qui restent en tête. Mmh. Je crois que la plupart des chansons que je préfère d'Indochine sont dans cet album. Alors certes, j'adore, j'ai demandé à la lune, tout ça, mmh. ou Mao Boy, un truc comme ça. Mmh. J'adore, mais vraiment, je suis très fan de Station 13, je suis très fan de Song for a Dream, 2033 aussi, enfin... La plupart des chansons que j'aime de ce groupe, et d'ailleurs j'ai eu la chance d'aller au Stade de France. C'est ce que j'allais te demander, si tu les avais vues en concert ou pas. Et je les ai vues en concert au Stade de France et je peux vous dire que j'ai encore du mal à m'en remettre. Parce que avec l'écran géant là L'écran, ouais, l'écran à 360 degrés. Alors mm-hmm. j'avoue que ça avait un petit peu ses limites parce que c'est un groupe mm-hmm. et comme c'est un écran à 360 degrés, on n'avait jamais les 4 personnes sur l'écran. Donc c'est un peu dommage, moi, l'idée d'un groupe, c'est qu'on voit tout le monde ensemble, mais c'est pas grave, enfin, j'étais dans les gradins et ça permettait à ce que tout le monde voit de la même façon. Donc du coup, j'ai acheté le double vinyle, qui coûte pas cher, hein, je l'ai payé à 25€ sur la Fnac. Oh. Voilà, c'est bientôt Noël, faites-vous plaisir. Et franchement, si vous l'avez Madame pas écouté Michou cet sur album, le marché. Si vous l'avez pas écouté cet album... Vous connaissez sûrement La vie est belle, enfin, tout le monde a entendu cette chanson-là, mais c'est vraiment le meilleur album d'Indochine, je l'ai réécouté, pour moi c'est un bijou, je crois que c'est mon album français préféré, et Dieu sait que j'adore la variété française, je suis fan de Mylène Farmer, ça, je vais voir en concert bientôt. On ne le sait que trop bien. Voilà, mais Indochine, bon, c'est de la variété qui passe bien, donc c'est du rock. Hein, et, moi j'aime beaucoup aussi. Hein. C'est vraiment le meilleur album d'Indochine, et écoutez-le, réécoutez-le, c'est... C'est indémodable. Très bien. Eddie ? Eh bien, moi, pour ne pas changer les bonnes habitudes, j'ai envie de vous parler de Townscaper. Oui. Tu vois ce que c'est ? J'ai vu que tu y jouais, ça m'avait tenté aussi. Alors, j'avais hésité à l'acheter parce qu'il était à 2€ sur Steam. En fait, c'est pour ça que je l'ai pris. Ouais. Hein. C'est parce que je suis très radin et ça ne coûtait rien. Non, c'est pas du tout pour ça. Non, c'est qu'en fait, je suivais des YouTubers qui jouaient beaucoup à Planet Coaster et Planet Zoo. Et deux jeux auxquels je joue, que je joue moins en ce moment parce que mon PC chauffe un peu trop. du coup, il y en a qui ont fait des petites vidéos sur ce jeu-là. Et en fait, c'est un... Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de jeu déjà ? Je ne sais pas. C'est oui, plus c'est... un petit outil de création. C'est un... En gros, vous avez une carte pleine d'eau. C'est l'océan, quoi. Ouais. Et vous avez juste à cliquer. Avec le clic gauche ou avec le clic droit. Et c'est tout ce qui se passe. Et en fait, ça clique. Quand vous cliquez, ça crée une petite maison. Et si vous cliquez dessus, ça va créer un étage. Si vous cliquez à côté, ça va rajouter un bâtiment. Et en fait, c'est tout un algorithme qui va créer des bâtiments. Et vous pouvez créer des villes comme ça, des villages. Et en fait, c'est juste un jeu qui fait appel à votre imagination. Il n'y a pas de forme de vie hein, dans ces petites villes que vous allez créer. C'est juste à la limite des oiseaux sur les toits, des petits bâtiments. Et c'est tout mignon, c'est coloré, c'est pastel. Visuellement, ça ressemble un peu à Luca, si vous avez vu Luca de Pixar. Alors, très clairement, on peut créer le petit village de Luca. Hein. Alors, même si on ne peut pas la coller à une colline et tout ça, mais on peut aller dans ce style-là. On peut s'amuser à refaire Venise aussi, si on veut, parce que vu que c'est sur l'eau, il y a tout un système de canaux qui se créent. Et en fait, c'est que c'est un jeu qui est très reposant. Et c'est juste ça. Donc voilà. Pas grand-chose à en dire de plus. Non, mais c'est très bien. Je sais qu'il est modable si vous voulez pousser le truc un peu plus loin. Moi, je ne l'ai pas fait. Parce que tous les tutos étaient en anglais. Je n'avais pas envie de prendre la tête. Même si j'ai modé d'autres jeux en anglais. Mais je ne l'ai pas fait. Mais après, rien que le jeu en lui-même, déjà... On peut s'amuser à faire des petits trucs sympas. Et finalement, on y passe du temps. Parce que j'ai vu que j'avais une dizaine d'heures dessus. Ouais. Et en fait, on perd vite son temps là-dessus. Mais c'est tellement reposant que ça fait du bien. Genre, après une journée de boulot, t'as pas envie de réfléchir, t'as pas envie de te poser devant la télé, y a rien qui t'intéresse, ou voilà. T'as pas envie de sortir ou quoi que ce soit. Et ben, moi, je me suis mis là-dessus et c'est vrai que j'ai passé du bon temps vraiment juste à créer des petites rues avec des petites maisons et voilà, c'est tout. Ouais, d'accord, nickel. Du coup, je vais finir moi avec ma minute nerd. Alors, je vais parler d'un truc. Je pense que c'est actuellement. Je vais parler d'une série. C'est la série limite la plus vue actuellement. Je vais quand même en parler parce que c'est quand même important. Je vais parler des Anneaux du Pouvoir. La série Les Seigneurs des Anneaux. Qui s'est finie hier. Hier, il y a eu le dernier épisode qui est sorti que j'ai pu voir hier soir. Donc, j'ai vu toute la première saison. Alors, il y a eu. Mais du coup, Internet, recommandes ou tu recommandes pas? Ah oui, alors, de toute façon, si j'en parle dans la minute nord, c'est que je recommande. Ok, parce que moi, j'ai vraiment eu que des avis négatifs. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que je voulais apporter un petit avis positif quand même. Je vais replacer dans le contexte. Les Anneaux du Pouvoir, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une série qui se passe dans l'univers du Seigneur des Anneaux, donc la Terre du Milieu, mais qui se passe avant le Seigneur des Anneaux, et oui. Avant le Hobbit. Ça se passe au deuxième âge. C'est le Silmarillion ou pas ? Non. Non, avant le Silmarillion. Le Silmarillion, ça parle du premier âge. Là, la série parle du deuxième âge. C'est là où il y a le moins d'écrits de Tolkien. Il y a pas énormément de textes, donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'inventer des choses et des choses. J'en parlerai un petit peu, mais il y a des choses qui n'ont pas plu du tout aux fans. Et bon, moi, le fait que les nains soient noirs. Oui, parce qu'il y a pas de lumière dans les mines, alors non, ils peuvent pas être noirs. Voilà. Oh, putain, qu'est-ce que les gens devaient être cons aussi. Je voulais pas trop en parler parce que c'est un non-argument total pour moi. Ah oui, non. Mais étant fan de Tolkien, du coup, d'ailleurs, j'ai lu le Silmarillion avant de me plonger dans la série parce que je voulais avoir un contexte. C'est trop dur à lire. Honnêtement, c'est un bouquin de 400 pages, mais il est dense comme un bouquin de 1200 pages, quoi. Vraiment, en fait, il y a énormément d'informations par page. Je comprends que ça plaise pas à certains gens, à certaines personnes, mais pour moi, c'était calibré pour mon type de lecture. J'ai adoré, honnêtement. Moi, j'arrive pas à lire tout. Parce que j'adorerais, hein, mais j'arrive pas. Il y a trop de détails partout, oui. Moi ça me perd, hein, je peux pas. Après, le Hobbit, ça va encore. Mais moi c'est surtout le Seigneur des Anneaux que je voulais lire. Oui, en fait. Le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que ça a l'air assez, assez dense. Hein. Évidemment, c'est que c'est bien écrit. Mais en fait, c'est un style. Et c'est un style, ça passe ou ça casse. Et moi, du coup, il y a trop de descriptions. Et j'arrive pas. Autant j'ai pu lire les Narnia parce que c'était très simpliste et du coup et il y a pas beaucoup de descriptions et moi ça m'aide en fait parce que j'aime m'imaginer moi-même mes trucs, mais le Seigneur des Anneaux en fait c'est que tu sens vraiment qu'il veut que tu vois ce que tu vois l'image vu. Ouais c'est et ça l'image qu'il a en tête, quand il l'a écrit et du coup voilà c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment du mal. Mais je reconnais que c'est effectivement très très bien écrit. Il faut juste être capable de lire ça, quoi. Du coup, si le Seigneur des Anneaux c'était compliqué pour toi, je te conseille pas du tout le Silmarillion parce que c'est et pourtant ça m'intéresse parce que toute l'histoire de la Terre du Milieu, je l'ai lu plus sur des pages wiki pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a plein de vidéos YouTube, il y a plus de vidéos YouTube en anglais, mais vous en trouvez en français, qui explique très bien de manière concise et de visuelle l'histoire, la création du monde, dieux, les divinités, en fait, quand tu te rends compte et que tu lis ça, tu te dis tu te rends compte que le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est rien du tout. C'est ça, c'est un grain de sable par rapport au monde. Et c'est passionnant, en fait. Et même tout ce qui est au niveau linguistique et tout ça. Enfin, bref, normalement, je ne parlais pas du Silmarillion. Tout ça pour dire que le Silmarillion, c'est génial. Je l'ai lu et j'ai prévu de le relire et de le relire et de le re-relire. Quoi. Vraiment, ça m'a passionné. Je voulais parler du coup des Anneaux du Pouvoir, la série Amazon. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Alors, j'avoue que c'est sûr qu'il y a, c'est une adaptation, donc forcément, il y a des trucs qui ne sont pas cohérents avec ce que Tolkien a écrit. Mais j'ai envie de dire, quelle adaptation, même Le Seigneur des Anneaux, a c'est dû faire parfait, des concessions. Pourtant, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson est considéré comme une des meilleures adaptations bouquin-film. Et pourtant, il y a plein de choses qui trahissent. Et il y a même des hyper méga fans de Tolkien qui sont là, mais les films de Peter Jackson, c'est les pires films parce que ça trahit l'esprit Tolkien. Enfin, du coup, avec toutes ces histoires, on s'en sort jamais. Et honnêtement, moi, je l'ai pris pour ce que c'était. C'était une série faite par des gens qui sont quand même soucieux de l'empreinte laissée par Tolkien, sachant qu'ils n'ont pas tous les droits. En fait, ils ont acheté les droits. Alors, c'est vraiment, quand je vais vous dire ça, c'est ridicule en fait. Ils ont acheté les droits du Seigneur des Anneaux et surtout des annexes du troisième bouquin où il explique un petit peu ce qui se passe dans le deuxième âge, mais vraiment, c'est une centaine de pages, voire moins. Voilà. Et après, ils se basent là-dessus pour créer. Tout ce qui n'a pas été dit par Tolkien. Ils n'ont même pas le droit de citer ce qui se passe dans le Silmarillion puisqu'ils n'ont pas acheté les droits du Silmarillion. Donc, du coup, dans le Silmarillion, ils parlent un peu du deuxième âge, mais c'est principalement basé sur le premier âge. Donc voilà. J'ai trouvé cette série géniale. Déjà, visuellement, tout le monde l'a dit. Même les pires critiques que visuellement, c'est incroyable à regarder. C'est super bien filmé. J'ai trouvé des très bonnes idées de mise en scène. Ce qui est bien, c'est que il se sépare un peu de l'univers, de la vision Peter Jackson. Ils n'ont pas essayé de copier. Ils n'ont pas essayé de faire on vous rappelle le film de Peter Jackson. Non, c'est sa propre entité, c'est sa propre identité visuelle. Et ça, c'est vraiment super. Je trouve ça super intéressant d'avoir une vision différente du monde de la Terre du Milieu. Par les gens qui ont créé cette série. Honnêtement, moi, l'histoire, j'ai apprécié la suivre. Il y a des épisodes où j'ai été un peu moins intéressé, mais malgré tout, je trouve que l'histoire se suit très bien. On trouvera toujours des défauts, on pourra toujours pinailler. Pour moi, honnêtement, cette série, c'était une grosse claque, personnellement. J'en attendais quand même un petit peu, mais j'étais ouvert d'esprit, et pour moi, pour apprécier cette série, il faut être un peu ouvert d'esprit, ce qui malheureusement n'est pas trop le cas de certaines personnes qui sont un peu trop fermées. Il y a aussi beaucoup de gens qui disaient « Ah mais au bout du cinquième épisode, il n'y a pas d'action, je ne sais pas ce qui se passe ». À mon avis, ces personnes n'ont jamais lu Le Seigneur des Anneaux, parce que l'action, elle n'est pas comme dans le film de Peter Jackson, quoi. C'est pas... Il n'y a pas des batailles à chaque endroit. Peter Jackson, il était obligé de faire des coups. Moins dans Le Hobbit, mais dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des passages un peu plus longs. Hein. Je veux dire, la communauté La communauté de l'anneau, c'est un film qui est assez long à se mettre en place. Il prend son temps. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Mais je ne comprends pas les fans qui sont là. Nous, on veut plus d'action, on veut plus de... Je trouve que les dialogues sont plutôt bien écrits, les relations entre les personnages sont très intéressantes, il y a des twists qui sont vraiment cool et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas spoiler absolument, mais ce qui se passe dans le dernier épisode, je suis plutôt fan. Il y a quelques choix visuels, etc., où je suis un peu moins fan de ce qu'ils en ont fait, principalement des choix de montage, des choix de présentation de titres. Ça paraît pas clair quand je dis ça, mais pour ceux qui ont vu la série verront de quoi je parle. En tout cas, voilà, je vais pas alourdir cette minute nerd. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, alors évidemment il faut un abonnement Prime, mais honnêtement, en tant que fan des bouquins, fan des livres, fan des films, pardon, j'ai pris mon pied et j'ai vraiment aimé la relation entre Durin et Elrond. Je la trouve géniale. Je suis trop impatient de voir ce qui va se passer dans la saison 2, sachant que je crois qu'il y a 5 saisons prévues. Et je suis très très curieux de découvrir ce qui se passe, même s'il y a quelques petits défauts. Voilà, on est parti pour cette histoire, et c'est vraiment cool. Voilà, moi je vous la conseille. Voilà, si vous l'avez pas encore vu, si vous avez été rebuté par ce que les gens en ont dit, moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié cette série. Et voilà, visuellement, c'est une claque sans nom, quoi, vraiment. Et puis même, l'écriture des personnages, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et ben voilà, on a fini. Moi, c'est parce que j'ai pas d'abonnement Amazon. Hein, que j'ai, oui, j'ai pas Mais en tout cas, voilà, si t'as l'occasion de le voir, je te la conseille. En plus, elle fait 8 épisodes. C'est cool. C'est pas, oui, c'est vraiment le nouveau format des saisons, ça. Ah, mais moi, c'est Netflix, c'est que du 8 épisodes à chaque fois. Ouais, c'est... Ouais. Mais après, 8 épisodes, de quelle heure? Une heure, non? Une heure, ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, entre 45 minutes et une heure, on voit pas trop la différence. Enfin, c'est sûr que. Sauf sur Disney Plus. Ouais. Parce que sur Disney Plus, ils te mettent, quand t'as des courts-métrages, ils te mettent 7 minutes et en fait. Le truc, il fait 3 minutes et t'as 4 minutes de générique. De générique. C'est parce insupportable. Il y a toutes les voix. C'est ça. Il y a tous les doublages après à la fin. Ouais, je sais. Mais voilà. Donc, on va finir cette émission. Voilà. Du coup, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi, ça a été un plaisir de le faire. Je pense que Eddie Morgan aussi. Ça vous a plu ? Oui. Ouais. Nickel. C'était un plaisir de reprendre les podcasts. Voilà, on va vous rappeler un petit peu les informations. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, alors je vais le refaire de tête. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, vous pouvez retrouver toutes les émissions. Normalement, on devrait revenir un peu plus souvent, on espère. Voilà. Les émissions de la décennie passée. Sur moviesnerd.net, vous pouvez retrouver toutes les actualités. Sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook, il y a moviesnerd. Sur Twitter, c'est movies_nerd. Instagram, moviesnerd_officiel. Vous pouvez nous contacter par adresse mail contact@moviesnerd.net. Ensuite, vous pouvez noter le podcast sur PodCloud, sur Apple Podcast, sur Spotify. Maintenant, vous avez la possibilité de noter les podcasts. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. On est disponible un peu partout. Sur YouTube aussi, j'ai oublié de dire. Oui, on a notre chaîne YouTube où vous retrouvez les émissions, du coup. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Steam et sur Movies Nerd. Le nom, c'est TheLexal, THELEXAL. Morgane, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Twitter, @cinemorgane, voilà. Ok. Que ici. Très bien. Toujours ici. Parfait. Eddie? Eh ben, je sais pas. Ah. je sais pas quoi vous dire. Ok. Si, sur Movies Nerd, évidemment, sans critique, mais j'y vais pas beaucoup. Moi j'y vais plus du tout, hein, je vous avoue. J'y vais pas beaucoup. Pas dit. Peut-être le mieux, c'est peut-être encore Movies Nerd. Hein. Ouais, très bien. Sur Movies okay. Nerd, ouais, sur Movies Nerd. Parfait. Après, sur Steam, ouais. Mais. Ouais. Ouais. Voilà. C'est tout. Et bientôt en EHPAD. Ouais, on vieillit tous. C'est déjà plus ou moins le cas, mais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que toi, oui. Mais de l'autre côté. De l'autre côté, oui, je n'ai pas encore. Du bon. Non. Ouais, du côté des maltraitants. Et oui, exactement. Nous sommes tous d'horribles personnes. Oui. Avec énormément de moyens, nous avons beaucoup de temps à perdre pour maltraiter vos parents. Exactement. Voilà, après ces belles paroles, comment vous dire, on vous dit à la prochaine. On vous donne pas de date pour l'instant parce qu'on veut pas vous promettre des choses. Non. Mais voilà, on espère très prochainement. Et on nous ne ferons pas de fausses promesses. Voilà, exactement. Cette cathédrale, nous ne la reconstruirons pas en 4 ans. Voilà, en plus ça finit sur un propos politique, j'adore. on vous souhaite une bonne fin de journée à vous et à la prochaine. Salut. Salut. Salut.